Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Je le fais long parce que quand on reçoit des gens qu'on connaît pas bien, genre des gens du Cinoche. Moi, Urbain, je le connais pas bien. Non, non, mais des gens qui t'as peur de te griller. Auprès de qui t'as peur de te griller? Pas Urbain. Non, ça là, tu le respectes pas, ça se voit. Si, si, si, mais j'ai moins. Je suis assez peu dans le Cinoche. Ça veut dire Pio Marma et Olivier Nakache. Tu fais juste un. Non, avec Mélanie Allison, je l'ai fait aussi. Oui, oui. Ouais. T'as peur des femmes. Il est en charge, hein, vous avez vu. Non, l'émission vient de commencer. Il faut remettre du. Il saute à la gorge. Il faut remettre un peu de. C'est le Pascal Pro du podcast, ça t'embête pas ce surnom? Non, pas du tout. Et d'ailleurs les punaises de lit, à votre avis? Bon, je pose toutes les questions. Donc bien sûr, vous êtes dans le Floodcast, nouvel épisode. Je suis Florent Bernard, je suis accompagné d'Adrien Méniel, évidemment, Pascal Pro. Pardon. Notre première invitée est humoriste, autrice, chroniqueuse sur France Inter. C'est une habituée de la maison. Elle est ici chez elle, les pieds dans les chansons, encore que. Elle s'est cassée la cheville en trébuchant, mon petit Adrien, sur un couvercle de mixeur. Attends, c'est vrai ça? Attends, c'est la vraie histoire. On dirait vraiment qu'elle l'a dit dans la cuisine et que derrière moi il y avait un mixeur. Et elle fait si, si, c'est un mixeur qui est glissé dessus. Oui, c'est vrai. Mais dans Bonjour. La rue? Bien sûr. Ah, dans la rue? Même pas chez toi, t'as pas laissé traîner un couvercle de mixeur? Non, dans la rue. Abandonné. Comme ça, pour rien, sportif, il n'y a rien de exceptionnel. Non, plaque de travaux. Oui, je marchais, j'étais sobre. Plaque de travaux, couvercle de mixeur, Anne Hidalgo, à mon avis. C'est un camoulox ou quoi? Encore, oui. C'est Morgane Cadignan. Ouais, ouais. T'as précisé très vite que t'étais sobre. Ouais. C'est le premier truc que t'as dit. Non, mais elle a vu Twitter s'emballer, elle connaît. Notre second invité est Tumori X. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ah, il faut qu'on y arrive. Oui, c'est mes deux combats X et il faut dire paddle et pas paddle. Ah, faut dire paddle? Bah oui, parce que le paddle, c'est le truc avec la rame. Mais c'est quoi le paddle? C'est quoi le paddle? Ouais, le paddle, c'est avec des raquettes. Paddle, c'est le tennis de merde. Ah, je connais pas ça. Le tennis de merde, attention. Ça a l'air facile. Mais Urbain, on est très écouté. T'es fou de dire des propos aussi extrêmes. Excuse-moi. Donc oui, notre second invité est humoriste, il fait du stand-up, il sera d'ailleurs le 10 et 11 à Lille, au Spotlight, si vous voulez le voir. Il est également à Paris, c'est quoi? C'est tous les lundis? Tous les jeudis. Tous les jeudis, excuse-moi. Le Spotlight. Au Spotlight. Ah, simplement. C'est une boîte à partout, ça. Également. Je serai au Sunlight juste après. Alors, sache que le Spotlight, juste après les spectacles, devient une boîte des années 90 assez gênante. Ah, d'accord. Genre, ça s'est joué à. Ça part tous. Et après, encore. Il a aussi eu un pépin de santé il n'y a pas longtemps, vu qu'il avait le Covid. Mais c'est quoi? C'est le Floodcast des éclopés en rémission, quoi, Adrien? Mon troisième Covid. Troisième Covid. T'arrêtes pas. Et le pire. Après, t'es anti-vax. Donc, c'est aussi ça. Alors, je suis encore plus pro-vax depuis, parce que je suis pro-vax, à savoir que j'ai quand même fait une quatrième dose quand ça n'avait aucun intérêt, que même le pharmacien s'est foutu de ma gueule en mode là, faut arrêter. Arrêtez, c'est ridicule. Mais du coup, ça faisait plus d'un an et demi que du coup, c'est ma quatrième dose, et sans dose, mon troisième Covid a été très violent. Ah ouais, t'as perdu genre l'odorat, des trucs? Non, meuf, oui. J'en ai fait un sketch sur les proutes qui ne marche pas du tout. C'est d'ailleurs le titre de ton spectacle. C'est le titre de ton spectacle. J'ai fait un sketch sur les proutes qui ne marchent pas du tout. Pourtant, pile dans l'actu, c'était Covid. J'ai pété sur une punaise de lit. Non, mais c'est vraiment le sketch débile qui s'est vraiment passé. Ma meuf a pas d'odorat, du coup, je pète. Du coup, notre couple va mieux parce que je suis détendu. Et un énorme bide. Un énorme bide comme toi quand tu te retiens de péter. Non, mais quoi? T'allais le dire, c'est ça? Pas du tout! En tout cas, c'est la première fois dans Floodcast, on est ravis. C'est Urbain! Mais oui, très content. Je suis décousu, mais c'est bien aussi. Ah ouais, mais ce bordel, mais ça fait toujours plaisir. Un joyeux bordel, j'ai envie de dire. Ouais, joyeux de rire. Des trublions du web 2.0. Ce qui a été un vrai titre sur Golden Moustache. Trublions du web? Trublions. Enfin. C'était l'ouverture de l'interview de la meuf. Elle a dit: alors, vous êtes un peu des trublions du web 2.0. Il y a trois mots en trop. Gardons web. Non. Pas du tout. Non, vraiment. Sur web. Mais ceci étant, c'était pas ça l'article où t'étais en slibard? Fouqueté. Bah, le dingo. Non, c'était pas ça. Okay. Ça, c'était le web est dingue de leur délire. Ah oui, le web est dingue de leur délire. Il n'y a pas eu un article par un gars sur nous. Il y a tant de dés dans cette. De c'est vrai. Scatman qui avait écrit. Ça décharge. Donc, comme à l'accoutumée, le Floodcast, on fait d'abord les news un petit peu insolites. On rigole bien quand même. On rigole bien. Mais moi, c'est ma petite bulle d'oxygène. Ah non, je vous le dis, ça fait du bien quand même. Parce que ça va pas en ce moment. C'est une cata. D'accord. C'est le cas, regarde-moi vraiment au fond des yeux. D'accord. Ouais, moi c'est. Le site hotel.com. Ah, les cons. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Oh là là. Et bien, ils ont révélé que 38% des Français avaient une manie dans les hôtels, et je vous demande de quelle manie on parle. Chier dans le lit. Non, pas chier dans le lit. Se couper les ongles. Pas se couper les ongles. J'ai vu quelqu'un se couper les ongles dans la rue. Et en marchant? Ouais, en marchant. Des mains ou des pieds? Ça aurait été impressionnant. Oui, mais alors bizarrement, moi je suis pas dégoûté des ongles. Ma meuf par exemple déteste ça, je dois faire ça dans la salle de bain et tout, enfin voilà. Ouais, ça c'est normal de faire ça dans la salle de bain. Oui, moi je le faisais dans le salon et elle déteste. Mais après t'aspirais avec. Oui, quand même. Oui. Non, j'ai laissé pousser. Je fais des petits pièges. Non, mais je veux dire, les ongles ça m'a jamais dégoûté, mais de voir bizarrement quelqu'un se couper les ongles dans la rue m'a dégoûté. Alors, je ne sais pas l'expliquer. Parce que c'est plus biodégradable qu'un mégot. Oui, c'est ça. Si, c'est fou de le faire dans la rue. Ah ouais, je m'en rends pas compte. En marchant, il y a un truc. J'aurais trop peur de me faire mal. Déjà, il a coupon sur lui. Donc déjà faut l'emmener et de deux il s'est dit oh putain j'ai rendez-vous avec une meuf, le chemin mental est assez dingue. Oui il a alors il allait voir peut-être une meuf mais il avait la soixantaine en plus donc peut-être. Et alors t'as pas le droit de voir une vieille meuf. Écoute-moi bien, non, t'as pas le droit de doigter à partir de quel âge selon toi? C'est fini, c'est 55 ans là, rien, plus que 5 ans pour doigter. C'est un pitch de film d'action que j'ai en ce moment. On dirait une vieille campagne de dépistage, plus que 5 ans pour doigter. À partir de 55 ans, je dois être une fois par an. Demandez à votre pharmacien. Truc sur le dépistage du cancer du côlon, le truc horrible. En vrai, je trouverais ça peut-être normal parce que je trouve que les doigts de vieux grossissent. Oui, ou les vieux ont des gros doigts. Ils deviennent du bois. Il y a des alliances perdues dans les gens. Attendez, c'est que des avantages pour doigter, ce que vous êtes en train de dire. Pardon ! Ils sont durs et ils sont gros. Oui, bon, bah. Et les doigts trouvent plus facilement le clitoris en vieillissant aussi. Ça, c'est dingue quand même. C'est un petit bruit de C'est pas sorcier. C'est le doigt rentre dans le vagin. Attendez, je vais relever le niveau. Dans le vagin. Je vais relever le niveau. Avant de partir, ils chient sans tirer la chasse. Non, c'est pas ça. Ils font leur lit. Ils ne font pas leur lit. Ils rangent. Ouais. Non, ils volent des trucs. Très bonne réponse, Adrien Méniel. Ah, mais c'est pas que 30%. C'est pas une manie, c'est un délit, c'est un crime. Pardon, appeler ça manie, c'est un petit peu participer à l'usure du monde. Le crime, c'est leur prix. C'est les prix qu'ils pratiquent, évidemment, qu'il faut voler. Mais bien sûr. Il est rentré tout de suite. Mais c'est pas du vol, c'est à nous. Reprenons ce qui est à nous. Non, mais moi, je suis vraiment pas aussi loin que l'épisode de Friends, là où Ross carrément pique les piles. Mais. Les Chandler qui, techniquement, on va se doucher chez toi, c'est fou l'échantillon. Ça c'est sûr. D'accord. Moi j'ai des échantillons. C'est un style. Ouais, moi je pique les échantillons. Moi aussi. Mais et je crois que la vraie classe, le vrai chic, c'est de plus le faire. Mais les le vrai chic, c'est de pas embarquer ton cadeau quand on t'offre des trucs ou un t'as jamais été chic hein, quand mais ça arrive. C'est pas le vol. Les échantillons là pour le coup, sans déconner, c'est vraiment à nous. Calme-toi. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas du vol les échantillons. Bah, je crois que beaucoup de gens les laissent. Mais maintenant il y a plus d'échantillons, il y a les pousse-mousses là. Oui, les... ils sont scotchés au... qui sont dans la douche maintenant. Et là si tu prends une ponceuse pour vraiment enlever le truc du carrelage, là ça ressemble à du vol. Ce qui me scandalise d'ailleurs sur ces pousse-mousses, parce qu'ici ça va être des coups de gueule, pardon, j'en profite. Mais non, mais en fait. Le pouce vous gate. Vous m'offrez une tribune. Non, mais à partir du moment où ils ont décidé que parce que c'est marqué cheveux et donc qui, c'est où l'embrouille? En fait, le shampoing et le savon, c'est la même chose depuis toujours. Ouais. Comment ça se fait qu'il y en a un qui peut être les deux? Il nous baisse quelque part? Je comprends pas. Souvent, les gens te disent que c'est pas ouf pour les cheveux quand c'est gel douche plus shampoing. Parce que ça dégraisse trop, je crois, le cuir chevelu. Et le on savon, peut te croire. Il en a plus un sur la calebasse. Waouh. Ouais, je précise que vous pouvez pas voir, mais Urbain est vêtu d'un peignoir campanile. Il est vraiment de la tête aux pieds habillé en vêtements d'hôtel. Il y a des petites claquettes. Non, surtout c'est de l'amiante à l'intérieur. Oui, c'est ça. Oui, voilà pour ressortir. En vrai, je pensais 38. Je trouve ça peu. Bah 38% qu'ils l'ont avoué. Oui, c'est vrai que c'est des sondages. Alors, est-ce que vous êtes un gros connard? Pardon, juste pour rester à cette table, j'ai besoin de savoir, est-ce que quand tu passes et qu'il y a le chariot sans la dame autour? Je prends trois draps de plus. Tu vas te servir un peu dans les bacs. Ouais, je prends des peignoirs, je prends les petites claquettes. Des peignoirs, ah ouais. Mais cela dit, dans Friends, l'hôtellerie des années 80. Il a un cendrier. Il a un stand aux puces de Saint-Cloud. La Bible. Mais dans des trucs ricains, j'ai déjà volé la Bible. D'accord. Je crois que c'est le concept, d'ailleurs. Je crois que c'est dans le bouquin, c'est ça. Après, les Bibles, il y en a gratuites. Tu vas à Belleville et tu files des Bibles gratuites. Non, mais il y en a dans chaque. C'est obligé. aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, ouais, ouais, ouais. Dans le tableau, mais je suis pas sûr que tu sois censé partir avec. C'est, je crois que c'est écrit dedans que c'est un truc qui vaut. Mais ne volera point, mais non, mais ça doit être écrit quoi. C'est le message de Jésus, tu ne peux pas le voler. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Jésus a dit. J'ai commencé le bouquin, j'ai adoré, je voulais la suite. Voilà. C'est vrai que tu vas pas lire la Bible entière dans un, tu vois, dans un resto-route. Mais non, mais la Bible, c'est tu picores un peu, tu vois. Ça, c'est un livre de toilette finalement. La Bible, ce livre de chiottes. Oui, c'est pour les chiottes, bien sûr. Coffee table book. Ouais, tu vas, tu lis une page. Non, mais tu ouvres une page au hasard et le Seigneur te guidera, il te fera ouvrir la page que tu as besoin de lire. En fait, c'est ça le principe de la Bible. Souvent une histoire de mouton. Il y a des et de désert. Il y a des fillers. Hein. Il y a des pages pas où pour avoir tout lu. Il y a des pages où il y a des ventres mous. Tu sais que c'est comme le Seigneur des Anneaux. Des fois, ouais, ça décrit beaucoup. Ouais, voilà. Ouais. Jésus, c'est pas mal, mais là, il manque 20 pages. Ouais. Pour moi, c'est Jésus qui a écrit la Bible. Hein, déjà dans mon histoire, c'est son bouquin. Il a un agent son autobiographie qui lui dit non, faut faire plus long là, les gens. Il a écrit la Bible et sa page Wikipédia. Jésus. Il y a même 8% de ces gens qui volent qui avouent laisser de la place dans leur valise dans le but de piquer des trucs. Ah oui. Urbain a levé la main. Voilà. Je précise. Je vais même pas voir l'intérieur de cette personne. Alors je vous demande, j'ai un jeu dans le jeu. L'intérieur, tu veux dire chez lui. J'ai laissé filer. Le top 6 des trucs volés par les gens. Bon bah les échantillons de shampoing. Alors les échantillons, non, les produits de beauté, exploser, les produits de beauté, c'est numéro 1. La cosmétologie. Je suis double qualifié. Voilà, donc 10 ans de Topito et ah je oui, vole des trucs. Ah oui, donc tu vas me laisser faire ce top 6. C'est vrai que t'as bossé à Topito. L'ampoule. Alors non, pas les ampoules. Tu y es toujours? Non. Ah non, tu es plus. Non, ça fait deux bonnes années. Hein. Deux ans que j'y suis. Mais je fais encore les plateaux Topito Comedy Night. D'accord. Quand même, je fais je suis pour la partie stand-up. Exactement. D'accord, c'est quand bien. Même mon bébé. C'est ouais. quand même à moi. On va pas me prendre. Déjà qu'on m'a tout pris. Mon déjà pays. Que t'as. Le concept de top. Mon papier. Bon, pardon, j'ai pas envie de parler de ouais, ça. Bon. Là, c'est un peu trop Pascal pour Beden. Donc, les produits de beauté, effectivement, shampoing, savon, tout ça. En numéro 1. Peignoir 6. Oh, numéro le 2. Linge, le linge. Numéro 2, 22% sont des voleurs. Le linge, c'était assez choqué. 15% volent les draps, les housses de couette, les têtes d'oreiller. Ah, mais en plus, avec plein de gens qui ont dormi dedans. Mais oui, c'est pile, la dernière chose. Et d'ailleurs, les piles ne sont pas dedans. Les têtes d'oreiller, on avait appris, parce qu'on avait fait un sketch show avec Adrien sur l'hôtel. Enfin, pas un sketch show entièrement sur l'hôtel, mais le tour du bagel. Oui. Ouais. Ouais, je l'avais vu. On a fait 200 émissions. On a fait 200 émissions. Et j'avais appris que quand tu demandes un supplément oreiller, c'est quand tu demandes une prostituée. Tu sais, c'était qui nous avait raconté ça? Un mytho, sûrement. Oui, mais souviens-toi. Un menteur. Mais je sais un peu, c'était Robinson ou Axel qui nous avait raconté ça. Les draous et tout, c'est numéro 4. Non, mais bon, ça me dégoûte. Les piles, non. Ne sont pas dedans. La télécommande, carrément. La pas bouffe, la le minibar. Alors, pas le minibar, parce que le minibar, c'est payant. Tu payes, alors attends. Alors, moi, un de mes grands plaisirs, c'est de taper dans le minibar, aller dans un Monoprix pas loin et remplacer les trucs. C'est pire que voler pour moi. C'est vraiment là. C'est l'adrénaline, quoi. J'ai l'impression d'avoir bu un truc plus cher que ce qui m'a coûté. Il y a zéro vraiment. Adrénaline, justement. Voler, il y a le côté adrénaline. Là, il y a genre, j'ai fait une petite astuce. Mais oui, c'est ça. C'est pas d'adrénaline. C'est fou. Crache-moi la gueule. Mais quoi? Mais maintenant qu'ils ont ton empreinte de carte bancaire, c'est plus la même joie. Parce que le Toblerone, même si, enfin, tu vois, même s'ils se rendent compte 4 jours après, ils te le débiteront quand même. Non, parce que je le remplace. C'est pas genre. Mais ils remplacent. Je c'est là compris. Où je suis pas du tout un voleur. Je comprends pas ta vie. Et non, mais parce il que prend moi, un coca dans le minibar, ouais. Il va acheter un coca pas cher dans un magasin et il le remet dans le minibar. Et je le remplace. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Ouais, enfin, tu vois qu'elle te méprise aussi un peu. Non, je l'ai pris en silence. Ce qui est moins désagréable. Il y a une cassure dans l'enfance là. Mais tu pourrais faire encore pire, genre acheter une petite bouteille de jus de pomme. Ah oui, oui. Boire le whisky, mettre du jus de pomme. Vous êtes des sociopathes. Ouais, voilà. Oui, ou même. Enfin, je l'ai pas fait, je l'ai jamais fait. Ce serait ridicule. Mais attends. Vous gagnez de l'argent tous les deux en plus. Ah, ça va quoi. Donc, oui, alors les peignoirs c'est numéro 2, les produits de beauté c'est numéro 1, les draps c'est numéro 4. Il vous manque le 3, le 5 et le 6. La déco. Alors la déco, ça m'a surpris. Numéro 6, 2% ont volé des objets déco qui existent. Comme les beau, tableaux et les statues. Par tête. C'est les non, pires. Mais les statues, mais les partir avec le tableau. Déjà, ils sont souvent très moches, donc faut vraiment ouais, vouloir. C'est ça. Et puis ils sont gigantesques. Enfin, moi, pour moi, c'est vraiment un risque. C'est peut-être pour ça qu'ils sont très moches, les mecs. Quand ils sont pas mal. On se fait on va mettre des vraies merdes. Chaque fois, je pense aux bronzés fond du ski. C'est l'espèce de clown atroce au début. Voilà, c'est vraiment de croûte. Numéro 5, à votre avis, c'est quoi? C'est 13% qui ont déjà volé les ça. Les réceptionnistes, ils volent les gens. Les oreillers, carrément? Non, pas les oreillers. Les lits? Pas les lits. Les matelas. Du mobilier, non? Ah non, j'avais entendu parler de télé, moi, carrément. Ah non, pas la télé. Pas la 13% télé. Les télés, ce serait. Non, alors bizarrement. Pour ça qu'elles sont bien accrochées. La vaisselle au petit-déj? pas la vaisselle au petit-déj. Ah, le thé et le café. Alors ça c'est numéro 3 effectivement, les sachets de thé, ah, de bah café, oui, de sucre. Ça, ça je faisais vrai, toujours pas, du vol, c'est dans votre chambre, c'est ça, à vous. Pour moi, c'est je le fais. Moi aussi. Ouais. Moi aussi quand il y a le petit-déj continental, les petits trucs de Nutella bien et tout sûr. Là. Les petites dosettes de lait Nestlé là. Morgane. C'est ça. Oui. Là, pardon, on parle autre. Mais non, vous aussi, vous faites de la scène maintenant. Vous pas moi, pas de loin, de loin. Mais non, mais avec le floodcast. C'est vrai. Oui, ah oui. Donc tu vous avez de l'Olympia. Vous avez des. Bah, quand même. Non, mais vous avez notre circonscription. Non, mais vous avez des petites loges. Donc toi, t'as des loges. Et donc, quand ils te donnent des trucs, moi, j'en veux pas sur le moment. Par contre, je les prends. Ah, parce qu'un jour, ça un c'est jour, autre chose. Envie d'M&M's. Moi, c'est la grande distrib là. Moi, je prends et je distribue à mes proches autour voilà, de moi. Voilà, c'est ça. Ah, oui. Moi aussi, j'aime pas ça. Bon, les... Il y a eu des cadeaux de Noël qui ont été des paquets Gerblé ramenés d'Orléans, de Strasbourg, de. À qui mieux mieux. Non, mais wow. C'est pas énervé, vous. Showbiz, putain. Ils te les donnent. C'est là, ils sont plus contents quand tu les as mangés. Et puis, tu sais que c'est le piège avant de jouer. Les prolos là. Les petits paquets de mélange de graines. Plaisir. Quoi? Les petits paquets de mélange de graines où tu t'enfiles les trois quarts avant de jouer et après tu joues en rotant. Je suis pas très mélange de graines, mais ouais, mais je vois. Il y a une team, il y a deux teams. Il manque le numéro 5. Alors, et en fait, c'est pas un gros truc. Du personnel carrément. Non. C'est numéro 5, c'est un truc qui pourrait vous être utile chez vous. Un truc pratique. Ah, les petits kits de couture. Cure-dents. Les petits kits de couture, il y a ça des fois. Oui, coton-tige, tout ça. Oui, non, c'est produits de beauté, ça, coton-tige. Non, c'est dans les cosmétiques. Non, ouais, c'est cosmétique. Mais ça, c'est pareil. C'est dans le truc pour les cheveux, là. La Charlotte. Des fois, il y a des Charlottes. Mais ça, c'est l'hôpital. C'est pas. Il y a des Charlottes, des fois. Il y a des Charlottes dans les hôtels. Ah, il y a un truc qui m'énerve dans les hôtels. Moi, c'est les sèche-cheveux où il faut maintenir appuyé. Oui, ah là là. Ça me rend foudrage. Voilà, tout simplement. D'accord. C'est bien d'avoir des combats. Non, mais c'est le seul. C'est le seul que j'ai. Ça va, c'est le voleur. Le papier water. Alors, très bonne réponse. Oh, bien, oh, bien, le papier, papier water. Toilette. Je l'ai déjà fait. Et encore une fois, c'est à nous ça. C'est pas du vol. J'ai le droit d'avoir une. Oui, pour à la maison. Voilà. Je l'ai déjà fait, j'avoue. Bah oui, t'es survivaliste en fait. On est. Mais moi, même quand j'étais étudiant, j'avais vraiment pas de sous. Quand j'allais genre dans des endroits Adrien ça va. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux. Mais non, mais il y a des plumes qui passent. C'est un dessin animé ta ville. C'est une grosse bataille de pigeons. Oui, moi quand j'étais étudiant, même je prenais je vivais à côté du Val d'Europe qui est un centre commercial. Et en gros, je prenais du papier toilette public et pour le mettre dans mon sac à dos. Oui, voilà, c'est ça. J'ai plus d'anus. C'est 15 ans de serviettes McDo. Ça a poncé. Je n'ai plus chié depuis 2 ans, mais voilà. Non mais oui, c'est parce que c'était pas juste un truc d'être vraiment dans la merde, c'est juste de se dire bah soit j'achète effectivement du PQ qui me coûte 2,20€ que je peux mettre dans autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas vraiment un truc de c'est être dans la merde. Quand on a ce genre d'économie. Oui, mais t'y penses, c'est début de vie adulte. Non, mais il y a pas de honte, c'est pas une honte d'être dans la besoin. Hein. Littéralement. Oh non, mais bien joué. La merde. Tu caca. Et vous êtes déjà volé dans un hôtel, je crois que j'ai ma réponse. Vous êtes quel genre de vacancier vous dans les hôtels? Est-ce que vous restez longtemps? Est-ce que vous restez longtemps dans la chambre? Est-ce que vous êtes plutôt faites des milliards d'activités? Moi, il y a pas un moment peu importe où on est sur Terre, où je me dis pas, on serait pas mieux à l'hôtel. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Moi, je devrais d'ailleurs me prendre des hôtels de merde, en fait, pour peut-être. Sortir des hôtels. Peut-être kiffer, mais alors. Mais c'est ça. Moi, vas-y, pardon. Non, vas-y. Non, j'allais dire, moi, bien souvent, quand je tourne hors de Paris, le meilleur moment, c'est l'hôtel, quoi. J'adore à l'hôtel. Peut-être que l'hôtel. Tu commences à faire des bons films, je crois. Parce que c'est normalement. Le tournage devrait être sympa quand même. Non, mais j'ai fait un bon film. J'étais à l'hôtel, le réalisateur est assis à ma droite. Et on t'a mis quand même dans un petit Ibis style. Quand même, on t'a quand même régalé. Non, mais moi je suis pas bégueule. Hein. Ouais. Un petit Ibis style, je suis très bien. Moi. Il sait très bien les Ibis style. Moi j'aime beaucoup. Tes golden moustaches. Putain. Ah il oui, était les gars, mais c'est ce qui me fait chier avec les jeux de mots. Alors, non, mais attends, moi ça me va, tout à fait. Toi, Morgane, quel genre? À moi, full hôtel. Ouais, c'est ça. Ouais, la tournée m'en a un peu deg au bout d'un moment. Toujours pas. Moi, les humoristes, ça fait 10 ans qu'ils me disent tu verras, t'en auras marre des hôtels. Chaque ibis, chaque petit déjeuner est un délice. Ouais, mais. Ah, je pique au petit déjeuner. Bien sûr. Et j'avoue, parfois, ça peut être un kiff de me péter un gros hôtel. Ouais. Et là, à Expa, tout ça, et là, c'est vraiment très cool. Moi, j'arrive pas. Florence, pendant la tournée, à un moment, tu t'étais pris un petit hôtel sympa. Oui, parce que oui. Parce qu'il voulait prendre un bain. Ah, parce que je voulais. Le gros bébé cadeau. Mais je comprends. Qu'il y a du sale, que pour mes fesses. J'adore, nous, quand on est dans nos métiers, on nous en paye un. Je suis content si l'hôtel est beau. Par contre, jamais je pourrais payer pour ça. Ah, de, ah de ouais savoir que je suis en train de claquer 150, 300 balles pour ah oui un. Oh là là, ce serait, je serais malade. J'aurais un petit blocage aussi, je crois. Ah ouais, serais malade. Ah, je sais pas, ouais. C'est trop d'argent pour. Moi, souvent, c'est pas possible. C'est le débat avec ma meuf. Souvent, moi, je, peu importe la destination, tant que l'hôtel est super, alors qu'elle, vraiment, il y a besoin de. Tu vois ce que je veux dire, il y a besoin que l'endroit soit cool, quoi. Moi, ça peut être. Ah. Bah, ouais, c'est un peu le débat avec ma personne aussi. C'est, tu vois, c'est bah ça. Ouais, mais c'est, en vacances, c'est pas dans le taf, avoir une belle chambre qui t'attend le soir et tout, c'est un kiff, tu vois. Mais en ouais vacances, je me dis, putain, on va pas passer la semaine à l'hôtel. Ouais. Si, et si, hein. Si, si. Aucun problème pour moi. Ouais, mais du coup, c'est vite un resort, quoi. Oui. Et je regarde la télé, moi, à l'hôtel. Ce qui est moins cher. Ah oui. J'ai pas la télé, j'ai pareil, une télé, ouais, mais j'ai pas les chaînes. Ouais. Voilà. Parce que je me suis rendu compte, je l'ai allumé. Un truc une que fois tu peux pas voler, donc tu l'as pas. Non, mais on parlait de Pascal Pro. Ouais. Je trouve qu'en énorme, ma télé est grosse, je trouve qu'en HD, il fait très peur. Oui, donc oui, la télé normale, je trouve ça pas l'intérêt sur nos nouvelles grosses télé. Bien sûr. Mais sur la petite télé d'hôtel, j'aime bien regarder des merdes que je vois jamais, des je jeux. Je comprends. Mais d'ailleurs, ça aussi, dans les hôtels, moi, parfois, ça me rend fou dans les. Des trucs de petit-déj où t'as BFM TV ou CNews hein, dans les meilleurs cas. En violence. Et tu sais, il est 8h30, t'es au petit-déj et t'as. Bon, alors en fait tu fais oh là là. Ouais. Ah ouais, mais je peux après, pas. Après, t'es d'une humeur exécrable. Parce qu'il faut savoir. 17h. Non, mais pendant la tournée Floodcast. Oh non, mais je suis ravié pour l'hiver aujourd'hui. Non, oh là mais, là non, là, non, mais. Ça on peut mettre des insights. Bah, moi, ça c'est pas dans la vidéo YouTube. Et en plus, en vérité, c'est tout à fait vrai. Je me lève. Je te bouscule évidemment. Tu j'y allais, j'y allais, ça m'énerve. Mais... Si je suis au petit déj, je suis à une table, je suis tout seul. La salle est vide. Hein. Ouais, ben bah, rigole. Et je suis à une table et je suis en train de prendre mon café et je vois Florent qui arrive pour prendre son petit déj et tout avec son plateau. Il passe devant moi, salut. Il va s'asseoir à une autre table. Genre le gars, faut pas lui parler. Ah bah je peux comprendre. En vrai, je comprends aussi. Ouais. Je peux comprendre. Mais allez vous faire foutre. Non, il y a plein de trucs que tu Morgane, peux comprendre, Morgane, mais tu le fais pas. Voilà. Morgane, je sais pourquoi nous on comprend. Quand on est comme ça avec des humoristes, on est 5, 10. Eux, ils sont que 2. On non, c'est ridicule. Vous êtes obligés de traîner ensemble. Non, mais oui, mais deux, moi c'est une pote. Non, mais ça des. Bon, ouais, c'est bizarre d'aller s'asseoir à une autre. Non, alors je vous explique. Vous étiez que 2 ou pas? On était que 2. T'as pas le droit. Et je pense même que j'étais encore plus introduit. Je crois que j'avais un casque audio, potentiellement. Mais en fait, j'étais déjà très fatigué. C'était. Le pire hôtel de la tournée, pour être tout à fait honnête. En tout cas, j'avais très mal dormi. C'était Bordeaux ? Je crois. Balance le nom. Non, mais c'était un hôtel qui était sur la route. Enfin, sur la route. Il y avait au du bruit. D'un rond-point. Non, mais qui donnait sur la route. Il y avait du bruit, c'est c'était vrai. C'était un samedi soir. Donc et ça sentait la clope dans ma chambre aussi. Ça sentait la clope. Bon, j'ai mal dormi. Voilà, c'est pas grave. Vous êtes des rockstars. Bah, on va voir la tournée, vous. Ça pue la clope. Non, c'est pas les Rolling Stones, quoi. Ça va pas casser les. C'était. Oui, non. Et donc, le matin, effectivement, j'étais un peu. Voilà, j'avais pas envie de parler, c'est juste ça. Et ça aurait été Adrien ou n'importe qui. J'étais dans un truc. Non, mais après. Mais visuellement, c'est atroce. Me voir arriver, dire bonjour, non, et me mettre à côté, j'entends. Ah, mais c'est marrant parce que tu commençais une justification, il y en a pas. Puis, j'étais Adrien, de mauvaise humeur. Enfin, c'était juste. J'imagine Adrien qui t'a beurré des tartines, qui t'a tout préparé. Non, qui non. Mais le petit coquelicot dans le vase. Mais parce qu'avec Adrien, je peux me permettre. Non, mais c'est ça. Adrien, c'est quelqu'un qui m'a déjà dit, je crois que j'ai déjà raconté, j'ai dit, on partait d'une soirée. Et je fais bah vas-y, on marche ensemble. Il dit bon non, je préfère marcher tout seul. Oui. Donc on est dans ce genre de relation. C'est ce que j'allais dire. C'est aussi ça les relations proches. Mais c'est ça. C'est que j'allais dire. Tu sais que je suis la. S'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça, c'est moi. Ouais. Mais s'il y a quelqu'un qui peut aussi te pourrir parce que tu l'as fait, c'est moi aussi. C'est ça. Donc, je sais où dans quoi je m'en bats. S'il y a quelqu'un qui peut le dire publiquement. Humilié. Non mais. Savez-vous qui est le professeur Carayon? Alors je vous le dis, c'est un expert du monde animal, il travaille au Muséum d'Histoire Naturelle. Mais sur quoi portent ses découvertes? De Paris. Tu fais les questions et les réponses comme ça? Non, je demande sur quoi portent ses découvertes. Ouais, on est en retard. Le jeu est bon. Bon, voilà, c'est lui. Voilà, c'est lui. Bon, alors, se faire chier. Il dans a fait le Languedoc. Non, c'est le découverte. Professeur Carayon. Oui. Alors il a fait des découvertes il y a quelques temps. Mais j'aimerais vous sur me disiez. Sur des ossements. Pas sur des ossements. Bon, ça doit être du sexe animal. Alors, il y a du sexe animal. Bah oui. Non. La manière qu'on se reproduise. C'est pas en s'asseyant à une autre table que tu vas défiler, mon pote. Ah ouais. Alors, c'est la sexualité d'un animal en particulier. L'éléphant. Qui se masturbe pas beaucoup. L'éléphant. Qui se masturbe beaucoup. Pas qui se masturbe beaucoup. Un animal qu'on trouve en France. On le trouve en France. Un chien. Pas le chien. Pascal un animal Pro. Sauvage. Pas non. Le Pascal Pro. Oh. Bim. Oh là là, mais. Tu veux dire. Hey, t'es pas sur un terme. Tu veux dire. J'ai dit les termes. Tu veux dire un porc. Les renards, les loutres, les sangliers. Non. C'est dans la forêt, sauvage ou pas? Je sais pas s'il y en a dans la forêt. C'est pas connu pour être dans la forêt. Non, je pense pas que ça en est dans la forêt. Les belugas. Pas les belugas. Donc sauvage. C'est pas dans l'océan. Oh, c'est pas dans la forêt, c'est pas dans l'océan. Ça fait 9 fois que je demande si c'est un putain d'animal sauvage. Les pigeons, ouais. Ce n'est pas. Bah non, c'est pas un pigeon, c'est plus petit. C'est un animal urbain. Urbain, ouais. Arrête, tu n'as toujours pas répondu à ma question, ça m'en fout de rage. J'y ai pensé après. Je déteste que mon prénom soit un mot. C'est un animal sauvage, c'est insupportable. Ça, c'est très drôle. C'est un animal sauvage. Un cheveu. Vous compterez chez vous le nombre de fois que j'ai posé la question. Un rat. Je suis humilié. Pas un rat. Mais genre le rat. Non, plus petit. Un mulot. Pas un mulot. Un surmulot. Une souris. Pas un surmulot. Pas un souris. Un campagnol. Un campagnol. Pas Marcel Pagnol. Un ver de terre. Plus petit. T'as dit quoi? Hamster. Plus petit. Plus petit qu'un ver de terre. Plus petit. Attends, c'est un rongeur. Ah, plus petit qu'un. Plus petit qu'un ver de terre. Attends, une fourmi. C'est un insecte. C'est un insecte. Une mouche. Oui. Pas une mouche. Une fourmi. C'est pas une fourmi. Guêpe. Abeille. Le gendarme. Pas gendarme. Plus petit. Plus petit qu'une fourmi. Oui. Un phasme. C'est un peu de raconter l'histoire. Coccinelle. Les punaises de lit. Ah putain. Mais c'est dans l'actu, bordel. Ah, c'est l'actu. La sexualité des punaises de lit, mais en plus de oui. Alors, justement, alors attends, j'ai les différentes particularités. Pardon. OK, pardon. Alors d'abord, le professeur Carayon est très gêné par ses propres découvertes, il le dit lui-même, il dit je suis très gêné par mes propres découvertes, mais qu'il fasse un autre métier. Bah, le mec, il étudie la sexualité, il fait oh, je suis gêné. Oh, il y a le mot pénis. Oui, bah, oh, mais elles ont spermé. Oui, bah mais c'est Carayon, c'est comment il est. Carayon. Stop, il a utilisé le mot spermé, ça me dégoûte ça. Il a 7 ans et demi dans ma tête, voilà, le professeur Carayon. Tout le vocabulaire. Les punaises de lit, elles sperment. Elles ont leur sperme. Avec leur bite. Non, lui, il dit c'est troublant ce que la nature a permis de faire. Parce qu'il y a armes de jute. Non, parce qu'on est sur cette particularité que je m'en vais dans le domaine partout, de la jute. Elles sont toutes déjà. Vous allez voir. Vous allez avec voir. Tout le monde. Première particularité, le priapisme. Effectivement, la punaise de lit copule énormément. Alors, le priapisme, c'est bandé tout le temps. Bandé tout le temps. Oui, mais du coup, elle baisse voilà, tout le les temps. Gros porcs. Là, c'est non, c'est de la science. Le sexe, c'est de la science. Oui. Pardon, hein, également mon quotidien. En ce moment. Mais oui, alors, les punaises de lit copulent normalement plus de 200 rapports par jour. Ah ouais, non. Alors, là, j'ai fait un c'est rapide... là où la comparaison s'arrête. J'ai fait un rapide oh, calcul. Ça s'arrêtait à 1. J'ai fait un rapide calcul. Il y a 1440 minutes dans une journée. Et la durée d'un rapport sexuel, bon, si j'en crois à mon expérience, dure à peu près 4-5 minutes. Ça fait donc un rapport. Wow, te la raconte pas, mec. Si on compte 2 minutes pour vaquer à 2 occupations, puis rebaisse, puis 2 minutes de pause, puis rebaisse, puis 2 minutes de pause, puis rebaisse. Petite clope. Petite clope, voilà. Après, elles peuvent aller jusque-là. Je dis pas qu'elles. Attends, combien 200 fois. Ça peut aller jusqu'à 200 fois. Je m'étonne qu'elles soient. Et à chaque fois, ça donne lieu à une petite portée. Alors justement, j'y viens, dites-vous. Faut savoir aussi qu'une pièce de lit peut ne pas manger pendant 18 mois, pardon. Ce qui lui laisse évidemment tout le temps pour la baise. C'est pour ça que c'est aussi increvable ces saloperies. C'est que si tu les fous pas dans la mâche. C'est le jeûne intermittent. T'es en train de nous dire qu'on est foutu. Le jeûne intermittent, c'est ça. C'est ça. Deuxième 200 fois par jour, tu ne manges pas pendant 18 mois. Je me sens ultra bien. Je n'ai baisé.com. Deuxième particularité, cet insecte se reproduit indifféremment avec des mâles, des femelles ou même d'autres insectes. Oh, elles sont d'autres insectes. Ouais. Selon le déconstruit. Pas une fondation dans la punaise de lait. Comment ça baise? Alors je vais t'expliquer, selon ce scientifique, 50% de leurs rapports sont homosexuels, 30% hétérosexuels et 20% se font avec des insectes différents qu'ils confondent avec des congénères. Ah ouais. Ils sont woke de chez woke. Non, c'est parce que là on est en France, c'est des viols, c'est ça. Parce que le professeur Carayon dit on ne sait pas, j'adore qu'il précise. Si c'est consenti. On ne sait pas s'ils le font exprès. Tu vois, genre, ouais, il y a un truc. Est-ce qu'ils sont très myopes ou zoophiles, tu vois, c'est un peu ça. Devant un tribunal, ce que je demandais, c'est techniquement, c'est-à-dire ça se grimpe dessus. Tu vas voir, j'y vais. Troisième particularité, les mâles punaises de lit sont pourvus de ce qu'on appelle un pénis perforateur. Il s'agit d'une sorte de longue corne pointue, et au moyen de cet outil semblable à une seringue, ils percent les carapaces de leurs partenaires et injectent leurs spermatozoïdes. Et comme ils sont soit très pressés, soit très myopes. Bah oui, faut faire 200 fois dans la journée, mec, j'ai pas le temps. Hein. C'est ça. Des fois, ils percent dans le dos, dans le ventre, dans les pattes. Donc voilà. Ah ouais, c'est. Bah voilà. Ça en bain de sang. Ça gueule parce qu'on trouve pas le clitoris, mais regarde. Voilà. Moi, j'ai jamais baisé une nuque. Il arrive même que le pénis de la punaise de lit se plante dans le cœur de leur partenaire. Wow. Et le tue. Et là, ça, c'est beau. Et là, c'est Guillaume Musso. J'ai joué dans ton cœur. Ouais, j'ai joué dans ton cœur. Baisé en plein cœur. La quantité de sperme. Ah oui, ça je sais. Ah là, c'est phénoménal. Je vous le dis. À titre de comparaison. Des litrons. Ah bah alors. Moi je sais. Si on était. Je peux le dire. Vas-y, je t'en prie. Tu me corriges si j'ai tort. Je me permettrais. Si. En proportion. Si c'était nous. Si nous on éjaculait autant qu'une punaise de lit, ce serait 30 litres, je crois. 30 litres. Soit. 200 fois par jour, 30 litres. Ouais. Ça, alors peut-être. Comme nous, je pense qu'au bout de 2-3 fois, il y a peut-être un peu moins de litres. Tu Paris vois ce que je veux dire. Paris sous les eaux. La crue, la scène qui déborde. On a vu une péniche à la Comédie Française. Les canards reviennent, mais ils sont englués. Quoi? Ben c'est vrai, effectivement. Au début, j'étais là, c'est la nature. Et là, on y est, c'est dégueu. Vraiment, ouais. C'est dégueu. Non, alors il faut savoir que. Et ça, j'aime bien. Pareil, sachant que ça peut être dans tes côtes. Oui. Ou dans ta cuisse, hein, les 30 litres. Quoi. Justement. Et là, le professeur Carayon se permet de préciser. Si beaucoup. Le sperme arrive au mauvais endroit, par exemple dans le sang de la femelle, bon bah l'efficacité est totalement nulle. Ah bah voilà. Tu m'étonnes qu'ils le font 200 fois, ils se plantent tout le temps avant de trouver le vrai truc. Alors tu vas voir, c'est là où la nature. On est pas sur des snipers du tout là, on est sur vraiment une sulfateuse et. Non mais il faut savoir que parfois le spermatozoïde survive dans le corps de l'hôte pendant plusieurs mois et peuvent même migrer en destination de l'ovule. Tu vois, il trouve un petit peu le chemin. A fini par trouver son. C'est là où comment magnifique. Comment foutu les punaises de lit, pardon. Putain, mais c'est. Donc, suite, ce qui veut dire suite à de la fécondation, par exemple, s'il lui baise le dos, une femelle par vierge exemple. Pourrait se retrouver enceinte, et là, c'est le miracle catholique. Là, mais on attends, est-ce que c'est pas le professeur Carayon qui était un peu pété? Ouais, ouais, parce ouais. Parce que il y a quand même beaucoup d'infos. Attends. Et ici, personne va aller vérifier. Je le connais, oui. Mon Carayon, ah ils en enquillent quand non, même. Non, mais attends, genre, il est allé vérifier si elles avaient un hymen, les femelles, enfin, genre. J'arrive à la sixième particularité. Bon, ouais, parce que pour un gars qui est gêné de ses découvertes, il est allé loin. Oh non, je suis gêné. Oh, avec son microscope là. Oh là là, je suis gêné. À force de se faire perforer n'importe où par les mâles, les femelles ont évolué de manière étrange. C'est-à-dire qu'il y a son nez sur leur peau, que les scientifiques pensaient être des petites taches. Et en fait, il s'est avéré que c'était des petits vagins secondaires reliés au vagin principal. Ça s'arrête, elle se faisait tellement ken. Patriarcat en PLS. Ah ouais. Si j'ai trois vagins. C'est-à-dire que j'en avais marre de dire bon, t'es en train de me détruire le dos, donc un vagin a poussé, relié au vagin principal. Bah, elles ont aidé l'homme. C'est une entreprise. Le corps est une formidable machine. J'ai 19 vagins. J'ai 19 chattes sur le visage. Mais là pour le coup, tu rates vraiment. C'est que ouais, tu fais exprès, mec. C'est voilà, les meufs côté... femelles de lit font leur max quand même. Ouais, quoi, ouais. Pour voilà. N'importe. Est-ce que la septième particularité, c'est que tout est faux depuis le début? Non, mais là, en termes de charge mentale, on est quand même. C'est énorme. Genre, j'étais obligé d'avoir 3 vagins. S'ils trouvaient pas. Pas assez, quoi. J'en avais marre qu'ils me baissent le dos. Sixième particularité, l'hermaphrodisme. Parce que je vous l'ai dit, beaucoup de punaises de lit sont homosexuelles. Donc les mâles aussi ont muté à force de se faire défoncer la carapace de dos, de jambes, de trucs. Ils ont donc, un utérus aussi. En fait non, des vagins sont apparus aussi sur leur corps, des petits vagins, mais qui sont reliés à rien, parce que elles ont un pénis. Enfin, ces punaises de lit là ont un pénis. Maintenant, ont pas d'utérus. Pas d'utérus. Non, mais maintenant qu'on sait tout ça, c'est encore on pire les de dire qu'on en a peut-être, mec. Moi, je me disais juste, c'est chiant, je vais devoir faire nettoyer si j'en ai là. Ouais. Je dors dans colonie multivaginale de trucs qui déversent du sperme en permanence. En perforant des trucs. C'est pas nettoyé, c'est Breaking Bad. Ils viennent chez toi. Moi, c'est arrivé il y a 3 ans. C'était hier, j'en ai là. Peut-être que si t'as peut-être volé dans tous les océans. Peut-être que tu ramèneras pas des punaises de lit chez toi. J'avoue. C'était entre les 8 Covid. Ça va, Urbain, ouais. Ça va, la vie. Ouais. C'était un peu chiant. Ça. Il y a eu une année un peu chiante. Et enfin, septième et dernière particularité, le pénis canon. Alors, le pénis canon. Là, wow. Alors, ça, c'est non, certaines. Non, là, il invente. Non, non, mais c'est certaines est, là, espèces c'est bon. De punaises de lit. Et c'est plutôt. C'est pas trop en Europe. Non, mais attends, ma théorie, quand même, c'est qu'il a dit le pénis perforateur, tout le monde était éberlué. Après il a eu de l'attention, il a inventé des trucs, il est revenu. C'est possible. En fait il est canon aussi le pénis. Peut-être qu'il avait prévu, on lui avait dit il faut parler 20 minutes. Ouais. Et en fait ça s'est avéré être une heure, il s'est mis à broder. Comme la Bible quoi. Il fait comme dans la Bible. Mais non mais je te laisse mettre de tes propos la religion. Non, je trouve ça un petit peu. Il y a une, donc c'est une espèce de pénis qui s'appelle l'anthocoride scolopélien qui ont un canal spermatique. Très bon nom, peut-être le titre de l'épisode, en forme de gros tube épais roulé en colimaçon dans lequel le liquide séminal est comprimé. C'est une sorte de pâte à tort, si vous voulez, puisque le sperme est ensuite propulsé à grande vitesse par les muscles. Donc, ce qui veut dire que attends, si. Qu'est-ce qui est enroulé ? Le sperme, enfin avec les spermatozoïdes. Faut imaginer un sperme. C'est comme quand tu tords un tuyau d'arrosage et tu le relâches et pff, ça exactement, part vite, quoi. Exactement. Je ne l'aurais pas mieux dit. Wow. Et c'est par exemple lorsqu'un mâle sachant qu'il peut éjaculer n'importe où, donc et c'est ça, c'est te ça, broyer c'est, les entrailles c'est là où, à la cornée. Mais non mais vu qu'il y a des vagins un peu partout sur en plus leurs congénères, ça finit toujours par rentrer. Asperger, voilà ça, asperger au loin une femelle, le sperme va dans le petit vagin, relié au grand. Une faciale et elle tombe exactement. Enceinte. Exactement. Aspergé au loin. Aspergé. c'est quand même. C'est le titre de ton autobiographie. C'est ça. Aspergé au loin. Comment je suis né, maman? Bah écoute, j'ai été aspergé au loin par ton père, qui m'avait déjà perforé le dos. Donc voilà, ces petites bêtes, voilà, on en apprend un petit peu plus. C'est fascinant. Moi, ce que j'aimerais, c'est. Et les guépards, c'est pareil. Calculer, parce que vu le nombre de fois où ils ont des rapports et la quantité de sperme, même si ça reste petit à leur échelle, mais on doit avoir quand même pouvoir évaluer la quantité de sperme qu'on a sur nos draps quand on a des punaises de lit. Quoi. Ah oui, ça faire le calcul. Ça doit être presque, si tu rassembles tout, faire une petite goutte visible, quoi. Je pense. Il y a des petites taches. Petite goutte visible. Non, mais c'est vrai. Dans ta main, là. Il laisse des petites taches. C'est comme ça que tu vois si t'en as eu ou pas. Mais c'est pas du sang parce que tu les écrases. Non, c'est du sperme. Que tu peux te mettre derrière l'oreille pour sentir bon, comme ça. Pour les attirer. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est tout à fait dégueulasse. Bah oui, non, mais bon. Autant avant j'adorais le principe. Alors, je change de sujet. Dis-moi, tu voulais. Non, est-ce que vous checkez quand vous prenez le métro là où vous vous asseyez et tout ou... En fait, c'est vraiment chiant. YOLO. Moi, pas encore. Moi, j'ai... Mais je vois vraiment des gens le faire. Les gens sont en panique là, ça y est. Moi, je le fais. Déjà, moi, j'ai un vélo là. Maintenant, j'évite de prendre le métro au max. Et hier, j'ai dû. Bah, si je vois des trucs, quoi. Mais parce que c'est vraiment chiant à voir. Oui, mais. Bah, mais ça se voit quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que si. Des fois, tu peux voir. Des fois, ouais. J'ai vu des vidéos où tu les vois. Donc. Je réduis un peu le. Mais oui, évidemment, sans je veux pas voir. Dire les que les trucs. Merdias nous manipulent. Vous connaissez vraiment des gens autour de vous qui ont eu des punaises de lit? Parce que moi, en fait, personne. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment l'heure des pros, là. Non, mais. Non, mais parce que ma compagne est très inquiète. Pour vous dire tout. La dernière fois, on a dormi les fenêtres ouvertes et il fait très chaud en ce moment. Et je me suis fait piquer par un moustique. Et elle a commencé à paniquer. Oh, punaise de lit. Je fais non, c'est un moustique. Alors, déjà, il y a deux trucs sur les punaises de lit. C'est que tu peux en avoir un an sans le savoir. Ouais. Le temps que. Enfin, tu vois. Il y a des gens qui piquent et d'autres pas. Moi, ma meuf, elle avait. Elle des était... gens. Et c'est surtout, ça ne peut te piquer que quand tu dors. Donc, si tu ressens. Enfin, le signal de venir te piquer, c'est la température de ton corps qui change parce que t'es en train de dormir. Donc, en fait, si t'es dans ton canapé en train de regarder un film et que ça te gratte, c'est impossible. Non, mais là, c'est le matin. Parce qu'en fait, on a dormi la fenêtre ouverte. Parce qu'il faisait chaud. Ouais. Et c'est vraiment un moustique. Mais les boutons, tu vois tout de suite ce que c'est. Parce qu'en fait, ils font il y a pas qu'une petite ligne. Oui, voilà, c'est ça. Et ça se voit tout de suite. Des lignes de sperme. Et genre, en fait, ils te pénètrent. Mais il y a des gens pour qui c'est terrible. Moi, ma meuf, elle était marquée de partout et moi, rien. C'est pas tes paix plutôt. Alors, l'appartement radioactif. C'est pas facile de vivre avec moi. Mais voilà, et donc, c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est comme ça que j'essaie de rassurer ma meuf, de dire, mais regarde, est-ce que tu connais, et elle travaille dans une entreprise où il y a énormément d'employés, est-ce que tu connais quelqu'un dont quelqu'un dans l'entourage a été touché par des punaises de lit? C'est comme les vols à l'hôtel, plein de gens vont jamais te le dire aussi. Parce tu que penses il n'y a que moi qui ai les couilles de dire que j'en ai eu. C'est vrai. Je dis il y a 3 ans alors que c'était il y a 6 mois. Qu'il en a encore en ce moment là, sur sa cuisse, plein la barbe. Putain, je la coupe, Morgane. Tu m'as connu avec une plus grosse barbe, là je fais des efforts en ce moment. Tu les vois sauter. Il a la barbe très propre. Mais oui. Urbain sent extrêmement bon. C'est vrai. Je sors de la douche. Bah oui. C'est vrai. Et alors. Et où c'est que bien. Du produit en plus d'hôtel. Phrase de quelqu'un qui. Alors que moi je me suis lavé hier soir. Crasse-pouille. Crasse-pouille. On est la team du soir ici. Mais moi je suis dans la team. Alors moi je suis un peu la team des deux, malheureusement pour la planète. Matin et soir tu te douches. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours et de mes activités de la journée. Je comprends. Là je me suis lavé hier à 1h du matin en rentrant d'une soirée. Normal. Oui, mais oui. Et là, comme j'ai sauté dans un taxi pour vous rejoindre, j'ai mis un jean comme ça. Oui. Tu sais que je pense à ton frère. Qu'un jean t'habille, toi. Je pense à mon frère. T'as dit quoi? Je pense à son frère chaque fois que je me lave. J'ai fait une vidéo avec ton frère. Ah ouais? Ouais, il y a longtemps. Sur le savon, tout ça. Et c'est pas bon de se. Là, si tu te laves tous les jours, faudrait se faire que les parties qui puent. Non, mais je me rince. Le reste. Mettre du savon tous les jours sur ta peau normale, tes bras et tout, tu les niques. Ouais, mais on vit à Paris, donc c'est pas possible de pas se laver tous les jours. Ouais, moi c'est ce que je me dis aussi. Non, mais tu peux y aller, mais fais-toi surtout, et je vais redire les trucs qui puent. Voilà. Finalement, fait, ton coude, ça ne sert à rien de laver tous les jours. Alors que de l'autre côté, ça là, si, il faut nettoyer. Ça pue très très vite. Après, est-ce que c'est vraiment ça qu'on va mourir? En fait, il faut surtout laver les parties qui sont. Tu vois, il y a un moment, je fais mousser partout et advienne que pourra. De toute façon, avec l'intelligence artificielle. C'est pas un peu d'ultra doux dans les coudes? Je suis d'accord avec ça. On me fait chier. J'ai encore parlé à un médecin qui me refait chier sur personne n'a de vitamine D et personne m'a dit, vu qu'on en a tous pas assez manifestement, en quoi c'était grave. Oui, c'est ça. Juste, ok, on en a tous pas, mais si ça change rien, arrête de nous casser les couilles avec. Je n'ai jamais compris ce principe. Et personne ne m'a répondu. Bah, si écoutez, on a autre... Et vous pouvez réagir au 0724 si vous pouvez nous en parler. Cette escroquerie du haut migrant. Merci. Depuis la dernière mise à jour du système iOS qui fait fonctionner les smartphones. iOS 17. Évidemment. Je l'ai fait hier. La vie de cette jeune femme est devenue un calvaire. Pourquoi, à votre avis? Elle est punaise de lire. Non. Aucune application marche. Tout est. Non. Bah, ça serait fun, ça, comme. Elle est sur iOS. Ouais, mais c'est Android. C'est lent, qui c'est lent et c'est hyper lent. Android sponsorise le truc. Allez, c'est pas toutes les news qui. T'as des news sponsorisées. Oui, il y en a même d'autres. Hein, ouais, redis. Alors, la vie de cette jeune femme, depuis la mise à jour iOS, est devenue un calvaire. Est-ce que c'est rapport à un truc de voix d'IA? Parce que j'ai vu que c'est une fonctionnalité, tu peux avoir une voix. Est-ce que quelqu'un joue avec ses AirPods Pro depuis tout à l'heure? Ah oui. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai mon iPad qui me dit ce sont pas vos AirPods. Je sais, j'en ai conscience. Est-ce qu'elle est c'est public? Est-ce que du coup une image d'elle ou un truc d'elle est diffusée? C'est pas une image partout. D'elle, mais effectivement c'est la mise à jour. Enfin, c'est sa voix. Ça la concerne pas particulièrement. Non, c'est pas sa voix. Ça concerne tout le monde. C'est la mise à jour chez tout le monde qui mais fait c'est ça. C'est un truc personnel. Mais sa vie à elle, voilà. En devient un cauchemar à cause de cette mise à jour. Parce que tout le monde connaît un truc d'elle? Non, c'est pas elle ça. Elle s'appelle iOS? Alors, tu t'approches. On est sur un truc comme ça. iOS 15? Elle s'appelle Siri. Très bonne réponse. Parce que maintenant, et parce que tu fais. Alors là, il n'y a plus besoin de dire dis Siri ou hey Siri, tu peux juste dire Siri d'ailleurs. Exactement. Il faut savoir que Siri, donc ça ah c'est. Ah ouais la... Bah on va voir. Et tu peux plus parler du pays du coup non plus. Siri. Allez, ça marche pas. Ça s'appelle les flics. Apparemment, ça s'appelle les flics. En effet, elle s'appelle Siri. Alors effectivement, à l'époque, on disait dis Siri, hey Siri en anglais. Ce qui était déjà chiant, ouais. Alors, moi, je l'ai activé, tu vois, là, sur l'iPad, typiquement. Voilà. Ouais, mais parce que t'as dit hey Siri. Oui. Allez, ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. T'as pas fait la mise à jour en plus. Toi. Non, moi, j'ai pas fait. Mais j'ai dit, parce que je viens de dire dis Siri. Bah oui. Arrête Siri. Bah oui, tu viens de leur dire. Oui. Arrête Siri. Voilà. Non, moi, la paternité, c'est arrête. Un truc qui te va bien. Wow. Siri, je vais me fâcher. Siri, je compte jusqu'à 3. Quand je serai mort, tu regretteras de m'avoir traité comme ça, tu verras. Ah, donc, c'est un autre game, quoi. Ouais, là, peut-être caresser un petit peu le dos d'Adrien. Là, deux minutes. Donc, oui, selon le témoignage de cette coach sportive écossaise, ses amis et ses clientes évitaient soigneusement d'utiliser l'expression hey Siri. Pour ne pas solliciter constamment l'assistant vocal d'Apple. Bien que cela fût pénible mais gérable, la dernière mise à jour de la société californienne a considérablement compliqué la vie de la jeune femme, puisque les utilisateurs n'ont plus besoin de dire. Hey, dit avant, ouais. Juste de dire le prénom Siri. Siri Price exprime son mécontentement face à cette évolution. Maintenant, les gens ne peuvent même plus prononcer mon prénom. Je suis furieuse. Je suis sûre qu'Apple aurait pu choisir autre chose à la place. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Siri et leur vie est devenue insupportable à cause de cela. Je déteste les gens comme ça. Non, mais sérieux, ça touche des milliards de gens cette mise à jour. Ils sont quatre, les Siri, ils nous pètent les couilles. Vous êtes personne. Arrêtez de parler, vous êtes si peu, quoi. Les gens qui s'expriment comme ça alors que tu n'as pas à être dans les médias, mais... tu es un nombre ridicule. Tu ne t'exprimes pas, quoi. On s'en fout. J'entends. Non, voilà. J'entends. Non mais qu'elle aille se faire foutre. Non, voilà, voilà. Elle nous écoute moi, en plus. Moi, mon prénom, c'est un nom. Là, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que je fais chier les gens? Oui. Bah oui, tu t'es fait l'arme. J'ai pas fait d'article dans Numérama pour casser les couilles aux gens. C'est vrai. C'est comme ça. C'est Siri change de prénom. Un surnom, Sirou, Sirette. C'est ce qu'elle fait. Sirou, qu'elle fait. Elle a changé. Elle a changé son surnom. Elle s'appelle Sizi. Elle s'appelle Alexa. Ouais. Sizi. Elle s'appelle. Elle s'appelle Sizi. Elle s'est lancée dans le rap. Ça marche plutôt bien. Les personnes prénommées Siri ne sont pas les seules victimes collatérales des GAFAM, puisque des parents d'enfants portant le nom d'Alexa, identique à l'assistant vocal d'Amazon, ont signalé des moqueries fréquentes. Là, je suis plus d'accord, parce que c'était un vrai gros prénom quand même. C'est ça, il faut savoir que aux États-Unis, une mère de famille américaine avait lancé une association qui s'appelait Alexa is Human, pour que justement ils changent le nom d'Alexa. Et tu vois, là, on rebascule dans calmez-vous quand même. peut-être une asso, non, peut-être pas. Est-ce que vous avez des est-ce que vous êtes un peu esclave des GAFAM, vous? Est-ce que vous avez on l'est pas tous. Bah là, par rapport au métier, oui. Oui. Compte Google, produit Google déjà. Est-ce que toi t'as Google? Alors moi j'ai un Google Home. Moi j'ai pas de produit Google, pardon. Moi, j'ai un compte Google, mais j'ai pas de produit Google. Je trouve que ça a pas trop. Enfin, je me rends pas compte. C'est pas Gmail. C'est un produit Google. C'est ce que je dis. J'ai des logiciels, ouais. des Moi, t'as pas de produit Google. Physique, mais ouais. Google, ils ont ma vie. Google Photos, Gmail et tout. Puis YouTube, on oublie, mais oui, bien sûr. Ça, je leur ai tout dit. Ça, tu es tranquille. Mais par contre, j'ai jamais passé le cap de parler à mon tel ou à demander des trucs, moi. Non, moi Siri, je l'ai jamais utilisé. Moi j'utilise maintenant par contre la. Ah, moi je. Oui, oui. Toi t'as choisi la voix. Tu vas dans ton petit bain, Google, une petite musique relaxante. Écoutez, je vais vous dire une belle chose. Là, il y a une update de ChatGPT qui va arriver bientôt en France. Où il a la voix de tapis. Non, où tu peux parler Et il te répond, et c'est mon rêve. Ça, c'est her. Ouais, non, c'est mon rêve. On va devenir fou. Là, on va devenir fou. Mais pas du tout. C'est juste plus pratique. Non, mais t'imagines. Mais pratique de. La pratique. Non, mais moi, c'est j'utilise her. Pour. Non, mais pratique pour. Oui, oui, non, ça m'intéresse. Non, mais tu sais, tu fais des recherches, tu veux des renseignements sur un truc ou je sais pas quoi. Tu vas lui donner au lieu une voix. De taper, tu joues à FIFA et en même temps, tu bosses, quoi. Tu te fais un FIFA à la manière de Cyprien. Oui, bien sûr. Non, mais moi, ma question, elle est toute simple. Non, mais je dis, c'est mon rêve, j'exagère. Mais c'est ton petit clown. Non, mais en vrai, oui. Tu bosses vraiment avec ChatGPT parce que j'ai l'impression de l'extérieur que ça se trompe régulièrement quand même. Mais parce que je l'utilise pas. Moi, j'ai la vision. Il peut t'aiguiller sur des trucs créatifs. Là, récemment, m'a envoyé. Ouvrir des espaces. Tu pensais pas. Moi, il y a un auditeur qui m'a envoyé sur Instagram, qui l'a demandé qui était Copy Comique, et je vous le dis, selon ChatGPT, c'est moi. Mais cela dit, j'ai un podcast Binge Audio également, donc c'est, voilà, c'est n'importe quoi. Après, il change de réponse à chaque fois. Quand je lui dis, connais-tu le Floodcast, il dit oui, c'est le podcast de Cyprien et je sais plus qui. Enfin, il dit n'importe quoi. Donc ma question, est-ce que vraiment c'est utile ChatGPT à l'heure actuelle pour faire des recherches ? Non, parce que je ne l'utilise pas pour faire des recherches. Là, mais en plus maintenant il y a des plugins où il va chercher sur internet et du coup les réponses sont plus précises, correctes. Non, mais c'est plus pour rebondir sur un truc, mais ou pas. C'est pas du tout clair. Non, mais, moi je juge pas parce que comme d'habitude je juge et ça devient l'application numéro 1. Moi je suis Instagram, donc on va prendre en photo des gens et le partager. C'est international. Ça met du temps, cette histoire de futur, c'est ça le truc. On s'est mis à parler au téléphone il y a 5 ans, finalement, pas tout le monde. Non, le ça fait. Va très vite. Les casques virtuels. Oui, mais oui, toi, t'as déjà ça se sent. Quoi ? Que tu vas être cette vieille dame qui n'arrivera pas à faire marcher les trucs. Je le sens, je sens cette vibe chez toi. Bah, moi, j'ai cherché un mot dans le dictionnaire. Et ça a très bien marché. Oui. Alors, le dictionnaire, il plante jamais. Pas besoin d'électricité. Ça, les vieux. Qui tu te parle de la vrai, technologie et d'un truc génial qui remplace tout ce qu'on fait pour juste te dire et le jour où ça marche pas, GPS, bah ça marche 99% du temps, donc c'est super en fait, donc c'est bien. Mais j'ai rien dit. C'est toi qui as dit que j'étais une vieille qui saurait pas utiliser les trucs. C'est pas faux. Non, mais ceci étant, moi je suis, enfin je le questionne parce que j'ai pas la réponse, mais effectivement je te suis un peu Urbain sur le truc de. Des fois, il y a des évolutions et l'humain ne les prend pas. Les casques virtuels, sérieux, je pensais que ça allait. Et en plus, moi, à chaque fois que je l'utilise, je trouve ça extraordinaire. Ouais, mais personne ne l'utilise vraiment. Ouais, mais il y a peut-être des gens qui pas. Il y a plein de gens qui s'en foutent aussi. Oui, mais c'est pas le délire du tout. En fait, il faut trouver le truc dans l'histoire du jeu vidéo, nous montre. Par exemple, les jeux vidéo, à un moment, on a cru que ça allait devenir de la. Que ça a eu un énorme boom, et puis après, les gens ont cru que l'industrie allait s'écraser. Et genre, la NES qui était en fait sortie depuis longtemps, il a fallu Mario. Un truc très ludique qu'on comprenne pour que ça cartonne. C'était en train de s'effondrer en fait. Donc peut-être que sur les casques, on n'a pas trouvé le truc pas cher qu'on va tous utiliser qui fait que. Mais je trouve que ça, pour un truc aussi génial, parce que quand tu l'utilises vraiment, le casque par exemple, c'est vraiment le futur. C'est fou. Et en fait, tout le monde en a pas quoi. Ouais, c'est ça. Les Divix, ça va être ouf. Hein. Ça va en venir là. Fais-moi des blagues de technologie. Des fois, je pense même au clonage, tu sais, quand ils ont cloné Dolly. Bah c'est fou, ils ont fait ça dans le monde. C'est pour ça qu'elle fait plein elle de trucs. Elle est dans toutes les villes tournées en même temps, c'est fou quoi. Non mais quand ils ont cloné Dolly, c'est vrai que c'est fou c'est que ça ait pas une brebis. Une brebis, ils avaient cloné une brebis à une époque, qui est quand même vraiment le truc du futur. Et ça a pas pris non plus, on n'a pas beaucoup cloné des animaux. Bah, c'est un groupe de rock quand même. Mais tu vois, ça n'a pas français non. Oui, peut-être que c'est bien que ça prenne son temps non. C'est super, mais du coup je questionne l'intelligence artificielle. J'ai l'impression qu'à chaque fois il y a des grandes avancées et qu'effectivement il manque juste. L'intérêt du grand public moi je veux, pour que le truc fonctionne vraiment bien. On me fait la peur là. Moi, ça y est, je veux Matrix. Ouais. Allez, on y va. À fond. toi, tu parles directement à ton truc. Ouais, j'ai vu que t'avais testé. Donc bah, moi, je lui ai demandé. Il m'a dit. J'ai dit qui est Copy Comic. Il m'a dit c'est quelqu'un qui met en lumière les trucs. Après, il m'a dit quel nom. Est son vrai nom. Il m'a dit son nom n'est pas publiquement connu. Allez. Mattel l'a annoncé ce week-end. Un nouveau Uno, j'ai dit. Va sortir prochainement. Qu'a-t-il de si particulier? Les plus 12. L'eau? L'eau a un goût, c'est ça? Non, Uno. Un Uno. Ah, Uno, pardon, un Uno. T'as fait un petit AVC là, non? J'ai cru qu'on était dans l'eau, pardon. Non, un nouveau Uno. Alors, Morgane, t'as donné une partie de la réponse. Il y aura les plus. Il y a des plus énormes. Des plus 8. Des plus 10. Plus 10. Des plus 6. Mais ça s'arrête où? Plus 12? Non, ça s'arrête à plus 10. Plus 1000, c'est ça? Ça s'appelle le Uno No Mercy. Et il y a une règle qui va changer. Il n'aura plus l'appeler Uno Mercy. Rien pour moi. Mais est-ce qu'ils vont enfin dire il y a des règles et maintenant vous les suivez, vous arrêtez de faire vos putains de règles. Justement, il y a une règle qui a toujours fait. Ah, c'est que t'as pas le droit de mettre un plus 4 sur un plus 2. Ça. Et donc dans ce nouveau Uno, tu as le droit. Mais Ah d'accord, oui, parce sinon, que je sais que ils a, ça avait gueulé, parce qu'en gros, les gens le font, wow. Les gens le font depuis toujours, ou en tout cas s'engueulent. Eux, ils avaient dit publiquement, on peut pas, les gens ont dit, on va le faire quand même, ouais. Et là, ils disent, bon bah ok, les c'est gens ça. Ont raison. Mais chacun fait ses règles comme il veut, mais du moment que tout le monde, qui, tous les gens qui jouent ont les mêmes règles. C'est ça, mais, ouais, ça, mais c'est le souci du Uno, justement. C'est pour ça qu'ils avaient essayé de dire, non. C'est le souci des gens qui, avant de jouer, se mettent pas d'accord sur les règles. Ça, c'est moi, Adrien. J'allais vous demander quel genre de joueur de jeu de société vous êtes. Bon, Adrien. Il y a des règles qu'on met au début, on est tous d'accord, peu importe les règles, juste on est d'accord sur des règles. C'est comme dans la vie en fait. Si, Madrien. Mais c'est comme ça qu'on évite le chaos. Bien sûr. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Et les gens qui prennent aussi pas les jeux au sérieux. Ah, ça, c'est un petit coup de couteau. Ou qui n'aiment pas, qu'aiment pas les jeux de société et qui vont te rappeler à chaque minute que de toute façon ils aiment pas ça pendant qu'on est en train de jouer. Te fais ton cul, les quand ils sont au début de cette partie. Elle en a perdu sa boucle d'oreille. Non, mais c'est très agaçant. Les gens qui arrêtent, ils arrêtent de jouer ou de prendre ça au sérieux quand ils perdent. Oui, c'est ça. Donc, comme des mauvais perdants, tout simplement. Des gros cons, on peut le dire. On a vite dévié vers les gens qu'on aimait pas dans les jeux de société, mais ça me va. Moi, j'aime pas trop les jeux de société, et du coup, je suis plutôt le gars. Cracklist, tu t'es bien régalé quand j'adore Cracklist, attention. Mais les jeux de plateau me saoulent souvent. Moi, j'arrive pas, je comprends pas. En fait, j'aime bien. Pourquoi j'aime bien Cracklist? Tu parles de quel jeu? Genre, un exemple. Plateau. Ma compagne adore les aventures du rail. Et ça dure un peu longtemps, les aventures du rail. Ça, moi, j'y arrive pas. Les colons de Catane. Malheureusement, c'est pas un jeu. Dès qu'on doit m'expliquer plus de 4 secondes, j'ai jamais réussi. De quoi? Dès qu'on doit m'expliquer un peu, tu vois, ça me stresse. Alors, moi, j'aime bien les jeux avec des cartes, c'est pour ça que j'adore Cracklist. C'est un truc très. Et où tu arrêtes de jouer quand tu veux. Moi, j'adore. J'adore Codenames, moi. Oui, voilà, Codenames, oui, sublime. Voilà. Sublime jeu. Maintenant, il y a une version en ligne, Codenames. Ouais. Très triste. Ma meuf adore Codenames. On a acheté Codenames Duo, qui est le même, donc je me suis fait enculer. J'ai acheté 2 x 35 balles pour rien. Je crois pas que ce soit pareil. Hein, non, mais en fait, tu pouvais très bien, avec les mêmes cartes, faire le truc. C'est comme le Uno, No Merci, un petit peu, j'ai l'impression. C'est vrai que c'est cher, les jeux de société. Et du coup, on joue à deux. Et le problème, c'est qu'on triche à deux, puisqu'à un moment, des fois, tu vois, je mets le mot noir, elle dit, oh, on l'a pas vu, et on est que deux. Ah oui. C'est très pathétique. Ah bon, ça te sert à rien. Oui, ben oui. Moi, déjà, je m'engueule avec ma compagne de Codenames. Codenames Duo, on devine à deux, on joue contre l'ordi. Des fois, on se plante. Ah oui. Elle dit un sale mot, et on devrait et avoir. Tu dors dans le canapé. Voilà. Donc, t'aimes pas les gens qui prennent pas les jeux au sérieux, mais tu triches quand vous êtes à deux. Non, justement, elle triche. Et c'est ce que je dis. Elle dit, c'est genre, je devine le mot noir, je dis, bon, on a perdu la partie, hein, je fais exprès parce que je veux me coucher. Mais et elle dit oh ça va on l'a pas vu on continue et je dis mais c'est ridicule on est que deux là on est en train de tricher. Moi c'est terrible, il y a un jeu que j'adore et ma compagne ne veut pas parce qu'elle a l'impression que je l'enterre en lui proposant c'est ça. C'est l'enterrer. Non, j'adore le Scrabble. C'est vrai que jouer à deux et couple, tu te dis en fait, on va plus jamais baiser quoi. On prend un peu. Vous avez un gosse donc déjà. On a pris un petit coup de canif. On n'est pas des punaises de lit si tu vois ce que je veux dire. Et le Scrabble, moi j'adore ce jeu. Je trouve ça trop bien. Et en fait, je m'en lasse pas. J'adore ce jeu. Et elle me dit. Tu as vu, il y a un super documentaire sur les gens qui jouent à fond. Ah ouais? Ah non, je l'ai pas vu. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Il doit y avoir qu'un documentaire sur Non, mais en vrai, les gens qui jouent à fond aux États-Unis, c'est devenu compétitif. Déjà, ils jouent tous en anglais, donc il y a des gens du monde entier. Ah, oui. Et en fait, ça devient con. C'est juste qu'ils apprennent les mots par cœur. Oui, au bout d'un moment. Moi, mon arrière-grand-père avait le dictionnaire. Et autant te dire que j'utilisais souvent des mots où tu dis oui, bon, t'as joué au genre W. Oui, voilà. W-U. Ils connaissent toutes les petites embrouilles. Et comme un mot fléché, quoi. C'est dans le documentaire. Do ancien. Ut, bien sûr. On le connaît. Petite. Il y a une mixité sociale des gens qui y jouent. Genre, ils ont suivi 4 gars, un vieux, un très jeune, un Renoir du ghetto et tout, un gars très riche. Et en fait, c'est vrai. Il y a plein de gens qui s'intéressent. C'est l'expression Renoir du ghetto. Non, mais c'est vrai. Le gars vient du ghetto. C'était Matt Houston. C'était Matt Houston, le chanteur. Non, mais c'est vraiment un gars qui habite à Harlem. Du ghetto. Donc, non, personne ne triche autour de la table. Ça fait plaisir. Tu donneras la plateforme. Alors c'est pas du tout de plateforme. On va googler. Alors ça, alors je peux. Mais il est où le documentaire? Un autre coup de gueule. Mais il est où le documentaire? Il est comme ça dans le cloud. Pirate, c'est illégal sur internet. C'est un super. Pourquoi les gens savent plus télécharger? Regarde sous son épaule, il y a un perroquet, mon pote. C'est vrai. Oui, c'est un pirate, ce mec. Non, mais les plateformes légales. Bon, peut-être vous nous financez tous, mais j'en peux plus. Les gens ont oublié de télécharger, quoi. Oui, mais je l'ai jamais fait. Voilà, ils savent pas faire. Oui. Non, mais je conseille de ne pas savoir pirater. Je conseille accès sur le vol. Je conseille des séries à des gens et ils me disent oui, bah, c'est sur quelle plateforme? Je l'ai pas, donc ils regardent pas la série. Mais enfin, mais Tout est gratuit sur internet. Autre coup de gueule. Les gens ils se paient, c'est trop cher dans les magasins. Un petit couteau. Vous poignardez le vendeur. Vous vous en mettez plein les poches. Vous partez en courant. C'est pas compliqué. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais tu vois, ça dans le futur, je pensais jamais qu'il gagnerait. Ah oui, les plateformes. Mais, attends, et je tiens à dire que oui, je télécharge quand j'arrive pas à trouver le truc, mais je suis abonné à toutes les plateformes. Je suis à 200 euros par pendant mois. Le confinement, pendant le confinement, j'ai piraté tous les films qui étaient sortis directement sur HBO Max, les Godzilla vs Kong, tout ça, parce que j'avais exactement ça. Je fais, écoutez, je paye un pass ciné. J'ai Netflix, Disney, Canal, machin. Je fais, bon, là, je peux piquer un peu de temps en temps. Bah oui. Bah attendez, au prix où on paye. Si on trouve pas le truc, putain. C'est vrai. C'est vraiment l'excuse de tous les voleurs, quoi. Ah non, mais quoi, j'ai pas les moyens. Je vais faire comment? Pas le prendre le truc? Bah non. Ah, mais va le trouver le documentaire sur le Scrap. Il est horrible, il est constipé. Si je me prends Adopi à cause du documentaire sur le Scrap, vraiment je t'en voudrais. Mais non, mais parce qu'Adopi il fait chier sur les trucs français en fait. Il sait pas que tu vas aller voir une merde juste en américain sans sous-titres sur un documentaire. Mais, vous avez des preuves, Urbain, de ce que vous avancez. Je télécharge comme un gros porc sur temps et j'ai eu aucun problème avec ça. Une actrice française va reprendre le rôle de Black Widow. Des Avengers. Ah et ouais oui, Léa Seydoux. Précédemment, je vous demande qui c'est, et ce n'est pas Léa Seydoux. Black Widow, c'est Scarlett ça Johansson. Sarah Giraudeau. Black Widow, c'est Marvel et c'est Scarlett Johansson à la base. C'est ça. C'est ça. Okay. C'est la veuve noire Audrey qui était la méchante de. Non, pas Audrey Lamy. Parce que pour une fois, elle ressemblera au comics. Non, non, mais pas. À chaque fois, tu ne ressembles jamais vraiment au comics. Elle est très jolie, Scarlett Johansson, mais ça n'a rien à voir. C'est pas canon. Plutôt dans l'âge de Scarlett Johansson. Alors, justement, très bonne question. J'ai une super blague, mais j'arrive plus à trouver son nom. C'est terrible. Bonne intro, en tout cas. Et j'avais un jeu de mots. La femme de Laurent Gérard, là. Virginie Lemoine. Non, pas du tout. C'est sa femme. Bah personne ne connaît la femme de Laurent Gérard. Non, la femme de Laurent Gérard. La sœur de la femme de Polanski. Ah, Seigné. Mathilde Seigné. Ouais, voilà. Ouais. Hé, hey, Mathilde Seigné. On va couper, on coupera. J'ai une superbe. Attends, Mathilde Seigné, attends. Emmanuel, c'est... C'est la femme de Polanski. Ok, donc Mathilde Seigné. Mathilde Seigné, imagine. C'est elle qui reprend le rôle. Il y a un truc d'âge. Tiens, ça marche quand même. C'est un de mes moments préférés. C'est vraiment la. Et c'est marrant, c'est parce que l'intro a pas gâché la vanne. C'est ça, c'est quand même fort. En fait, ce qui a été drôle, ça a pas été la vanne, c'est ce qui a amené à la vanne. C'est là où c'est un génie. Mais c'était ça la vanne au final. Non, mais attendez. Et en fait, je perds la boule parce que j'oublie tous les noms, tout. Mais j'ai encore de la ressource. Hop, j'ai raté mon Oli, mais au final, hop là, je suis un petit. Je sais pas, j'ai pas les termes. T'es Kelly Slater à mes yeux. C'est ça. Black Widow. Le gros skater, Kelly Slater. Est-ce qu'elle est. C'est un truc d'âge? Alors justement, elle est très jeune parce que c'est elle est méga connue, c'est normal qu'elle ait le rôle. Alors elle est méga connue, c'est surprenant qu'elle ait le rôle parce qu'effectivement Morgan a dit du même âge que Johnson. Eh bien non, c'est Lena situation. Ce n'est pas jeune. Elle a déjà fait des films ricains. Elle a déjà fait des films ricains. C'est Marion Cotillard. Pas Marion Cotillard. Ah non, donc elle est plus vieille. Elle est plus vieille. Marthe Villalonga. Non, pas Marthe Villalonga. Ça serait trop bien. Marthe Villalonga. Mais c'est Morgane Cadignan. Donc c'est pas Morgane Cadignan. Donc il va y avoir. C'est con, tu l'aurais. Bah c'est. Bah, propose à Marvel, tu le fais. Ouais. Ok. Oh, bah oui. Oh, il a projeté une question que j'avais après. Moi je fais beaucoup de choses qu'on me propose. C'est drôle. Alors on est. Tu verras. Catherine Deneuve. Très bonne réponse de Morgan Cadignan. Attends, mais elle vient de faire Bernadette Chirac et déjà ça me gonfle. Ça n'a pas de sens. Ok, maintenant elle fait Marvel. Elle fait Black Widow donc. Ah, pourquoi remarque, pourquoi, oui. Pourquoi? Mais je vais vous dire. Bah parce qu'elle est vraiment veuve et une voilà, elle a l'âge d'être veuve. Ouais. C'est, non, c'est, sur, non, mais... c'est sur Audible, la filiale de production audio du groupe Avec un âge. On a cru qu'on allait devoir stopper une vieille à l'écran. On s'est fait. Et oui, pourquoi? Évidemment, le cinéma s'est fait pas tourner. On s'est fait rouler dans la farine. Hein, oui, alors parce là... que si dans la même année, tu remplaces Scarlett Johansson et Bernadette Chirac, oui, c'est oui, niveau oui. casting. Oui, c'est ce que dit c'est ce que dit Adrien. Bien sûr qu'une femme de plus de 40 ans n'aurait pas joué dans un Marvel. Oui, c'est une évidence. Dans n'importe quel autre film quasiment. Ouais, à peu près. C'est ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Audible, ils font une série audio sur Marvel. Et le troisième épisode qui sera disponible, je sais pas trop quand. D'ailleurs, je vais pas vous dire parce qu'on n'est pas payé par Audible pour faire de la pub. Mais on peut dire que ça doit pas être très bien. Ouais, bah, je sais pas. Vraiment, l'intérêt des Marvel, c'est quand même de voir les trucs et tout. Ah non, oui, c'est vrai. Il y a des fictions. Il a volé. Bon, ça va. Il y a des fictions audio sur Batman qui sont oui, pas mal. Ils sont écrits par Douglas Attal qui avait fait. Je ne suis pas. Comment je suis devenu un super-héros et qui est un mec très doué. Et là, bah, par exemple, ils avaient déjà fait un épisode sur les Gardiens de la Galaxie avec Antoine Decaune et José Garcia. Ah. Avec quand même José Garcia qui fait Rocket Raccoon. Le Raccoon. Et bah, pardon, mais oui, j'adore. Okay, j'adore. Je suis pas objectif, mais j'adore. Pas objectif. Et, Et donc voilà, et en gros, il demande à des acteurs français, voilà, de jouer dans des personnages de Marvel. Bah moi j'aime bien. Je vais pas trop en dire parce que si jamais ça peut arrondir mes fins de mois, si je peux faire Qui Groot. On mettrait dans. Moi je fais Groot, hein, je m'en fous. Bah t'es le Vin Diesel français, donc tu peux faire Groot. C'est déjà Christian Clavier. Hélas. Oh, je suis Groot. Oh là là, mais j'ai envie. Oui. Oui, bah c'est. Pardon. On reprend. C'est une idée géniale, audible. Attends, mais là, on a envie un peu de refaire. Bon, on fera ça peut-être hors dans les bonus. Donnez au Patreon. J'ai hâte que Christian Clavier le fasse. Mais c'est ce qu'on dit. Il faut qu'il fasse Groot. Voilà, oui, bien Amazon, sûr. Bon. Et François Cluzet, toute la clique. Quoi, bah, allez-y. François, quoi. Alors, François Cluzet, il pourrait faire qui? Iron Man. Iron Man, ouais, un peu. Un petit voilà. Iron Man. Ah, bah oui. Ça se ferme pas ce truc. Et bah, je vole, bah quoi? Mais en fait, des Non, mais non. Non, il faut. Et Banner. Sa femme. Hulk, mais ah, oui, c'est ah oui, ah oui. Mais quoi, tu veux que je m'énerve ou quoi? Je vais devenir tout vert, c'est ça que tu veux? Je suis toujours énervé, c'est ça mon secret. J'ai envie qu'on les fasse tous. Ah oui, mais c'est ça ce que je disais tout à l'heure. J'ai avec, envie avec l'intelligence artificielle et les petites voix, on pourra se faire ce genre de délire. Non, mais tu vois, dans sa tête, mais non, mais il est complètement foilé. Mais non, mais on arrive maintenant à vraiment produire les voix et c'est ça et peut les être visages, bien fait. Ouais. Non, mais oui, non, c'est il y a Macron qui dit est-ce que c'est bon pour vous? Non, bah, oui. Nous on est vraiment baisés, les gens qui ont parlé dans les petits micros pendant très très longtemps. Ah, je sais pas si t'as écouté un truc de 4 minutes où ils font dire n'importe quoi à Joe Rogan, t'es sûr que c'est lui quoi. Ah ouais. Genre vraiment, vu qu'il a dit tous les mots du c'est monde. C'est peut-être lui surtout. Qu'il dit, oui, bon, après, il dit vraiment de la merde, mais vraiment c'est, genre, ça n'a aucun sens. Il dit, je l'ai pas dit, mais je le pense. Ça va. Justin Crowe a lancé une société permettant de créer des mugs, des bols, des tasses et des assiettes. Un peu particulière à votre avis. Et c'est l'occasion de nous dire que le merch flotte. C'est faux. C'est fou comme ça. Ah, le demande pas tout de le temps. Non, parce que là, je vois des mugs, tout le monde a un petit mug humoristique, vous adorez le monde. De Cinoche, de Cinoche, j'adore le Cinoche. Petit trèfle. Ouais. Mais vous avez pas vos petits mugs. Non, on a pas jamais. Il y a des casquettes que j'adore arborer. On eût fait. Oh merci Morgan. Elles sont trop bien aujourd'hui. On eût fait des casquettes, des t-shirts. Mais la dernière fois qu'on a fait, c'était les t-shirts qui nous restaient de la tournée. Ouais. Mais sinon, non, on n'a pas trop fait ça. Vous en avez fait des casquettes, je peux vous le confirmer. Parce qu'il y a peut-être une à chacun de mes spectacles. Bah, ouais. Bah, on les reconnaît, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais Justin Crowe a lancé une société permettant de créer des mugs, des bols, des tasses et des assiettes. Un petit peu particulière. Je vous demande la spécificité. Alors, non, c'est personnalisé gens... où tu peux y mettre les cendres de tes proches. Bon, c'est incroyable, Morgane Cadillan, c'est la bonne réponse. Attends, c'est sans déconner, ouais, sans déconner, ouais, sans déconner. Sans déconner. Ouais. Ça s'appelle Chronicle Cremation Design. C'est une société américaine qui fabrique des mugs et tout. T'as lu les news? Non, ah, j'ai failli, j'ai failli, moi. J'ai failli. Non, parce que non, j'ai mais ça va, sans, ça va bien. Pas trop. Okay, je à partir des cendres de vos proches, les cendres sont alors moulées dans un four à 1315 degrés. Le prix varie entre 140 et 600 euros selon l'objet choisi. Et là, tu pètes ton bol, papa. Double die au petit-déj, quoi. Tu peux pas du tout vérifier qu'ils l'ont. Ils reçoivent, ils descendent ça dans un truc, tu sauras jamais que c'est vrai. Le mug il est déjà prêt, fait oui voilà, c'est ça, regarde. Ils ont ton père dedans, allez. Les... Mais c'est le cas des cendres en général, ça. Oui. Le cas des cendres en général, on pourrait dire oui, bah c'est ta mère, alors que tu ne sais pas ce qu'elle est. Tu sais qu'on peut, vous le savez, Six Feet Under. Oui, c'est ça. Je pensais qu'on pouvait, moi. Avec mon père, j'ai dit ouais, on peut et on peut plus rien quoi, faire. Quoi en fait. Bah, on peut plus rien faire. Big Lebowski, ouais, on peut plus rien faire. Non, mais Big Lebowski, ah oui, il a pas le droit de les. Ah non, faut moi, les faut les demander les une autorisation. Mon père, il était fou de New York. On s'était dit, on va aller en prendre la moitié, on va aller se faire un petit trip. Mon cul, c'est dans une urne de merde à Clermont-Ferrand. On peut pas la bouger. Il y a toujours un petit moment que tu peux dérober. Putain, je vole tout sauf les cendres de mon père. Non, je suis quand même vraiment un con. Mais non, mais t'as le droit de récupérer les cendres. Non. Bah, non, non, moi c'est je l'ai fait. C'est, nous on a fait. On a... Mais il y a une. C'était combien de temps? Non, mais. Ouais. Toi, c'est quand? Et ben moi, c'était il y a 10 ans. Et bah, moi, c'était avant 10 ans. Bah, en fait, mais en fait, c'est parce que tu choisis. Par exemple, les cendres de ma mère, elles sont. Au crématorium de je sais pas quoi truc, elles bougent pas, elles sont dans une espèce de jardin. Mais si elles bougent, c'est chelou. Ouais. Tant mieux, quelque part, qu'elles bougent pas. Non, elles sont de mon. Mais tu choisis, justement, est-ce que tu veux les laisser dans le jardin cérémonial, machin c'est truc peut-être, ouais, c'est peut-être c'est que j'avais demandé peut-être à les séparer, moi. À dire, on en laisse une partie là pour ma grand-mère, mais est-ce que j'en sais rien. Ah, hein, mais moi, c'est considéré comme une dépouille. J'ai transporté les urnes de mon rep sur mes genoux en voiture. Ah ouais? Parce que moi, je les ai emmenés. Tu les as pas sniffés comme qui fait de non, t'as pas fait. Pour les emmener à l'étranger, t'es obligé de. Tu peux pas les prendre dans l'avion comme ça. T'as la police qui doit venir à l'aéroport pour sceller l'urne dans. C'est ça, il y avait. Moi, il y avait. On vérifiait, ok, c'est bon. Transporter le truc. Tu peux pas changer de territoire. Ça va dans une me permets, tu pouvais pas mieux tomber avec cette news pour lancer la conversation. Ah, mais j'adore. Tout le monde a des parents morts. Non, mais c'est très bien. Oh, j'ai flambé l'ambiance, merde, ça va! Ça va! Et puis reste de l'équisperme, alors! C'est vrai, tout le monde avait peur en moi? Non, mais je parlais vous, à Florent. Vous, je vous laisse parler entre. Voilà, mais bon, ça va arriver, t'inquiète. T'inquiète, bientôt. On y va, hein! Ça arrive lourd! L'autoroute du live! Pas prêt! Si je peux me permettre, sur ton père, j'ai écouté l'épisode d'avant. Ouais. T'étais un peu cool sur le fait qu'il ait balancé toutes tes affaires. Enfin, moi, ça, j'étais fou de rage. Je suis toujours très cool avec mon père qui fait. C'est le grand jeu avec ma meuf. Je raconte des anecdotes de ma jeunesse et elle est genre extrêmement choquée. C'est et le grand jeu. Oh bah quoi, bah ça va, c'était la jeunesse. Fou de tout balancer comme ça à ton âge et dire il y avait besoin de place pour. C'est ouais, des souvenirs mais d'enfance. C'est une quoi. Façon d'être. Mais ah je suis. Ah bah si je le croise, ils vont prendre. Ils vont prendre. C'est pour, mettre, ouais, c'est pour mettre sa collection de djembé en plus. Donc, c'est vraiment. C'est vrai. Son poste. Non, parce qu'il y a un running gag. Comme quoi son père est un rasta blanc. Mais... Non, mon père est Pierre Paul Jacques. Ça n'a rien à voir. C'est des collections de croix gammées qu'il a mis. Ça n'a rien à voir. Non, alors attends, faut expliquer. Oui, Pierre Paul Jacques avait une croix gammée tatouée sur lui et il l'a fait enlever. Je crois. Mais il avait parlé de tout son parcours. Ouais, c'est ça, tatoué, c'est ça. Tu l'es encore et voilà l'envers du décor. MC Jean Gabin, bien sûr. Dans la chanson voilà. Je t'emmerde. Ah, eh oui. C'est ok, ça j'avais ça. Pas toutes les rêves. Il voilà. Ah, y a beaucoup de rêves dans Je t'emmerde. Bah, il ouais. Y en a beaucoup, beaucoup. J'en avais capté pas mal. Ouais. Mais... Et ouais, c'est ça. Tatoué, tu l'es encore. Mais c'est vrai qu'il clash Pierre Paul Jacques dans Je t'emmerde. Il dit quand même, je sais pas jouer, mais je sais bien ratonner. Donc là, c'est assez clair. C'est à charge. C'est à charge. Voilà. Mais après, je connaissais pas la chanson de base de Pierre Paul Jacques. Ah. Toi, c'est pas assez punk pour toi, je pense. Mais non, j'ai eu mon époque. C'était pas téléchargeable. Reggae blanc de ah, merde. Ouais. Ah, j'ai plaisir. Vu Marcel et son temps d'orchestre en concert. Les Ramoneurs de Menhir. On est un peu entre les deux quand même. Les Ramoneurs de Menhir, c'est avec l'ancien des Bérus là. Attends, les Ramoneurs de Menhir. Je sais pas, c'est des tambours du Jack. Les c'est quadrilles. Dit, c'est Dedo, t'as dit. J'ai entendu ça. Oui, c'est Dedo, t'as dit. T'as dit c'est Dedo. Non. Quoi ? Si, t'as dit c'est Dedo. Ah bah, il y a tous entendu ça. Peut-être tu voulais dire c'est Dedos ou je sais pas. Non, oui, non, enfin. Entendu, c'est Dedo. C'est des noms. J'ai dit c'est des noms. Dedo écoute des mots, des groupes insupportables. Ouais. Je le sais. Mais... Non, mais c'est des. Oui, non, mais c'est des noms de ces groupes-là. Tu vois, c'était toujours d'accord. Quelque chose et quelque chose. Et t'as dit c'est Dedo. Ouais, écoute mais... Dedo. Bon, c'est Dedo qui fait tous ces groupes. Voilà. Non, mais c'est des groupes qui, en gros, oui, avaient toujours des noms un peu comme ça. De... Oui, les Bérurien. Ouais. Non, mais les Bérurien. Non, mais c'était bien. Là, par contre, Michel, j'ai dit quelque chose. Les Ramoneurs de Menhir, c'est un side group du gars des Bérurien. Mais 30 ans après. Ils étaient. Mais non, parce que là, on parlait de reggae. Ska blanc de merde du Danakil. Donc pour moi c'est plutôt regardez la bouche nous, oh merde. Je l'avais dans ma main. Marcel et son orchestre tout ça. Les Fatal Picard un petit peu aussi qui était plus humoristique mais qui était les Wiggles. La Ruda Salska. Pas du tout encore une fois. Ah connard. Pas du tout encore une fois, il n'y a pas eu le geste des mains genre mais pas du tout. Toujours pas. Non mais c'est pas exactement le même genre de groupe. Mais t'es d'accord qu'ils étaient souvent ensemble. Non. Quand il y avait le festival Tango Swing et Bretelles ou des conneries comme ça. Pas du tout encore une fois peut-être le titre. J'aimerais bien. Et ça changerait un peu des trucs sperme de. Oh non récemment non, à moi. Non mais c'est. Je me suis calmé. Bref, c'est vrai. Reggae blanc, ska blanc oui. De merde début des années 2000. J'étais à fond là-dedans. J'entends. Mais tu sais quoi, je te crois avec plaisir. Bizarrement, je te crois. Qu'est-il arrivé au commissaire du stade d'athlétisme des Jeux asiatiques de Hangzhou en Chine pour qu'il soit envoyé à l'hôpital? Calme tes chevaux, mon pote. Ouais, c'est vrai. Qui a quoi, de quoi ? Qu'est-il arrivé au commissaire du stade d'athlétisme des Jeux asiatiques c'est de bien, Hangzhou moins vite. En Chine pour qu'il soit envoyé à l'hôpital le Il a pris un javelot dans le bras. Oh, presque. Oh là. On s'approche. Un poids dans la jambe. Au mauvais endroit, au mauvais endroit. Il a dit proche. Et toi, t'as changé l'objet. Ouais, ouais. Et moi, j'ai changé l'endroit. J'ai dit dans le cul. Un javelot dans le cul. Non, c'était pas un javelot. Christian Clavier. Dans le cul. J'ai pris dans le Groot. Je suis Groot. Je s'appelle Groot, il faut savoir. Oui. Petite trivia. Faux, c'est parce pense. Que Vin Diesel fait toutes les voix de je toutes les langues. Faux, et moi. Il s'est trompé. Parce qu'en fait, il dit juste I am Groot, donc je m'appelle Groot. Il a dit je m'appelle Groot et vu qu'il les enchaînait. C'est quoi en anglais c'est I am Groot. Normalement il est censé dire je m'appelle Groot juste. Ah donc il y a pas de faute en non, anglais. Non, il y a pas de faute non. Et là il a fait la faute parce qu'il les a toutes fait et on lui a pas demandé de le refaire parce que c'est Vin Diesel et donc c'est devenu à tout jamais je s'appelle Groot. Vin Diesel aurait doublé son personnage en français. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues, apparemment. En fait, il fait Groot. Lui, il a besoin de thunes. Non, mais en fait, je pense que c'est un clin d'œil parce que comme il a qu'une phrase, il peut la dire dans toutes les langues. Ils ont dit, ah, c'est marrant. Et du coup, bah c'était Orelsan d'ailleurs qui faisait la voix. Oui, il a dit ah, c'est marrant. Qui doublait Vin Diesel. Mais et du coup, il s'est planté et ils l'ont jamais corrigé. Moi, c'est je s'appelle Groot, alors normalement c'est je m'appelle Groot. Ah ouais, moi j'étais sûr que du coup il y avait une faute en anglais. Non, et non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Non, mais on en apprend. Voilà, ah, c'est trivia, Morgan. On se couchera moi, moins con. J'espère que tu me regardes avec des yeux qui brillent comme ça. Moi, mais je, voilà. Je pense que comme 95% des anecdotes du cinéma, c'est faux. Oh putain, bah alors j'ai un très bon jeu, désolé, on va un peu vite sur le gars qui s'est pris le poids sur le, la jambe. Bon, mais... il est, voilà, il était mal placé, s'est pris le poids. Voilà. Stephen Thorne, il travaille dans le monde du cinéma et la police a débarqué chez lui. Stephen Thorne. Thorne, il est pas connu. Ford. Thorne. F-O-R-N. Thorne. Thorne. La police a débarqué chez lui. Savez-vous pourquoi? Et parce que je saute dessus parce que pour moi c'est pour le buzz cette anecdote, mais je vous demande quand même ce qui a été dit. Il travaille pour le cinéma, il travaille dans le monde du cinéma. Alors est-ce qu'il fait genre. Ah. Et il a été, la police a débarqué chez lui en rapport avec son métier. Est-ce qu'il est genre, il fabrique des trucs pour des FX et il a fabriqué un corps ou un truc comme ça? Ils ont fait oh mais il y a un corps là. Il alors, a, mais non c'est faux, c'est mon métier. Non. Voici mais... mon ah je crois que je l'ai lu. C'est le mec qui fait le montage du dernier Saw et la police a débarqué parce qu'ils entendaient des cris de torture. Ah. Très bonne réponse de Morgan. Tous les monteurs montent au casque. Voilà. C'est faux. Voilà c'est faux. Alors. Il est pas vraiment non, monteur. Il est premier assistant du prochain saut, le saut 10. Ah oui, saut X. Stephen Thorne est premier assistant monteur, c'est-à-dire que il fait ce qu'on appelle le dérushage. Il fait pas ah oui, du montage. Oui. Les riverains s'étaient en effet inquiétés en entendant les cris émanant de son habitation. J'ai une très bonne anecdote. Mais ça arrive souvent aux gens qui, oui, qui jouent à Call of ou ce genre de truc. C'est ouais, ça. Ouais. Vos voisins nous ont appelé. Quelqu'un crie chez vous. Ce sont des hurlements de torture. Ont ainsi déclaré les policiers au monteur. Stephen Thorne a alors dû expliquer qu'il était en train de travailler sur un film d'horreur, donc le prochain saut. Très bonne couverture s'il torture vraiment les gens. Ouais. Non, mais je me suis dit, c'est le film. Non, c'est faux, c'est faux. Le fait vraiment. C'est dans le film. C'est dans le film. Je veux pas vous spoiler, mais voilà, si vous voulez pas spoiler. Messieurs les policiers, mais c'est aussi écrit sur le film. Mais je me s'appelle Groot. Je s'appelle Groot depuis le début. Et les fonctionnaires ont cru l'homme sur parole parce qu'il leur a montré les images, voilà, du prochain saut. Petite excuse. Les fonctionnaires. Et l'anecdote, les fonctionnaires de police. L'anecdote a également fait beaucoup rire le réalisateur qui a apprécié à NME qu'en plus, mais son premier monteur est très doux. Alors ça, cette visite de police, donc, c'est il fait pas de mal à une mouche. Oui, il fait pas de mal à une mouche. Ce qu'ils disent toujours quand les gars ont buté des gens. Oui, c'est vrai. C'est ça, bon, on le voyait pas venir. Mais pour moi, c'est pour le buzz. Alors moi, j'y crois pour une bonne raison, c'est qu'un jour, tu te rappelles, on avait Golden Moustache, on avait des locaux pas. Enfin, pas loin d'ici. Et où on faisait du montage et tout. Et à un moment, donc, je sortais du montage, je descends et dans les escaliers, j'entends un gars qui gueule. Ouais, tu veux que je t'éclate la gueule et tout machin. Et donc je fais waouh. Et donc je me dis, je m'arrête pour voir s'il faut intervenir. Ouais, c'est ça. Potentiellement, t'es prêt à intervenir physiquement. Bah, me faire péter la gueule, mais tenter un truc quoi. Ouais, te faire bouclier. Et donc j'attends et tout. Et ça re-gueule. Et je fais ah putain c'est chaud. Et en fait le mec redit exactement la même phrase. Et en fait j'ai compris que c'est un gars qui était en train de faire du montage. Et j'ai fait sacré. Ben oui voilà. Je peux être lâche et me faire passer pour un héros avec cette anecdote trop bien. Mon frère habite au Japon. Voilà. D'accord. Et un otaku pour moi. Voilà, un véritable otaku. Il traduit des mangas toujours en slip. Donc oui, vraiment, on est là-dessus. Ouais. Mais à côté de. Ça fait 1000 fois qu'il appelle les flics parce qu'en face, le petit vieux dit à la petite vieille des trucs terribles en japonais comme ça. Ah ouais. Et ils n'interviennent jamais. Donc voilà. Donc, c'est l'inverse. Il leur dit. Donc il dit anecdote sympa. Il allait voir les flics en disant mais là, vraiment, c'est grave. Et le flic japonais, voilà. Deux secondes. Vous êtes sûr qu'il travaille pas sur saut, voilà. C'est du montage. Non, mais il y a vraiment un couteau dans la main. Oui. Avec l'IA. Regardez, c'est Cantelou, hein. On dirait que c'est Macron qui parle. Hein. Donc, c'est pas vous croyez que c'est un cadavre, c'était un gâteau. on rit, c'est terrible. Hein, quand même. Mais c'est quand même symptomatique. C'est des Japonais, c'est pas grave. En France, sur les violences conjugales, ils sont au top. Alors là, c'est loin aucun problème. On est d'accord que d'ailleurs, les intelligences artificielles, tout ça. On plagiait Cantelou pour moi. Parce que son émission, c'est littéralement une deepfake avec une autre voix. Enfin voilà, il va être chaud. Une autre voix qui ne ressemble jamais à la voix du gars. Avec l'accent du c'est sud. C'est là où les IA ont amélioré le truc, c'est que la voix du coup ressemble vu que c'est la même. Ah, mais ça, c'est là où on les nique les robots. Personne n'avait pensé à une imitation qui marche pas. Chers amis, ça fait déjà tellement de temps qu'on parle. Ouais, et pourtant. T'as un jeu, t'as dit, c'est ça, non? Non, j'ai pas de jeu. D'accord. Non, t'as dit tout à l'heure, j'ai un jeu. J'ai dit Dedo. T'as dit Dedo et t'as dit j'ai un jeu, mais en fait c'était la question sur le sursaut. C'est ça, exactement. Je suis déçu. Les recommandations culturelles. J'ai oublié de vous prévenir à chaque fois, mais enfin, vous savez comment c'est. Vous venez ici. Moi, j'ai prévenu. Donc, j'ai vous avez pensé à une recommandation culturelle. Alors, ça peut être du cinéma, ça peut être du théâtre, de la téloche. Du théâtre. Bah oui, il y a des gens qui y vont. Il y a des gens qui y vont. Adrien, on va commencer par toi. Alors, qu'est-ce que tu proposes aux gens? C'est pas du tout obscur. Tout le monde l'a vu, sans doute. Oui. Mais voilà, des fois, on remet la lumière sur un truc qu'on n'a pas du tout besoin parce que c'est un énorme blockbuster. Parce que je veux parler de Gardiens de la Galaxie 3 que j'ai vu avec José Garcia. Avec José Garcia, mais en vrai, voilà. Qui fait Iron Man déguisé en raton laveur. Bon, c'est vrai qu'il était parti pas deck, étrange. Hein, il était pas deck du tout. Ouais. Ah ouais, non, mais alors, ouais, vraiment, j'ai chialé comme triste, comme Jaja. Ah okay. Oui, mais ouais, il est triste. Bon, après, j'ai regardé le 1 et le 2, j'ai chialé aussi. Et après, j'ai regardé une pub pour un laptop, j'ai chialé. J'ai regardé mon reflet dans le miroir, j'ai chialé aussi. Donc, c'est peut-être pas que le film le problème. Mais non, mais il est très. Enfin, tous les gens à qui j'en ai parlé, y compris ta meuf d'ailleurs. Oh, on est allé voir aussi. On en a parlé. Non, il est vraiment très bien. Et du coup, je me suis effectivement rematé après le 1 et le 2, que j'avais déjà vu pour le coup. Et c'est vraiment la meilleure franchise Marvel de loin. Ah oui, je trouve aussi. Vraiment, ouais. C'est à la fois. Non, mais au-delà de parler juste de Marvel, un film qui réussit aussi bien l'humour, les trucs émouvants et l'action, et que tout marche ensemble et tout, et les curseurs sont au max. Mais il n'y a pas beaucoup de films qui font ça, en fait. Quoi. Quand c'est même, vraiment trop bien. Quand même. Longs, ils sont tous trop longs. Ah, c'est vraiment, ouais, c'est, moi, je me régale. C'est, je peux plus. Moi sur le 3, il y a. Et pourtant, moi j'aime pas les films longs, mais là, moi ah, quand même, je suis là. Le dernier, il fait pas 2h30, un truc comme ça. Je sais pas. Ah bah, si, j'ai pas. Mais... Je l'ai pas vu passer. Hein. Mais moi le dernier. Je pleurais. Merde. Mais moi le dernier, j'ai adoré le dernier. Si je devais lui trouver un défaut, c'est justement parce qu'il y a toute une partie que j'ai tellement aimé. Casse pas ce mug sur ma tête, c'est mon grand-père mort. Pardon, je supplie. C'est que toute la partie justement sur Rocket est tellement bien. Que du coup j'étais moins dedans sur les autres persos un petit peu. Ça m'a un petit peu. Voilà. Non, mais voilà, mais oui, parce oui. que tout mais... le truc sur le raton laveur est vraiment génial. Et peut-être que. C'est un peu long. En soi. Non, mais peut-être qu'en soi. On s'en bat les couilles des animaux, c'est ça que tu veux dire. Et qu'il faut les voler quand on n'a pas de quoi s'acheter. Ah oui, mais c'est pour ça, toi, que ça t'a... Non, vrai, pardon. Peut-être que les autres Marvel récents, ou en tout cas les gros blockbusters récents, sont tellement de la chiasse que quand il y en a un qui est. Pas mal, on est là. Mais Adrien, il les regarde pas, hein. Moi, je regarde pas les. Et eh ben moi, je me les bouffe toutes les merdes. Et non, je suis moi... déçu depuis 10 ans. Moi, j'ai lâché. Constamment. J'avoue, j'ai regardé les Gardiens de la Galaxie parce que j'adore James Gunn, mais j'ai lâché Marvel. Ça y est, moi qui étais un gros geekos, et je pense que j'en ai pas vu un depuis Spider-Man Multiverse et donc Gardiens de la Galaxie 3. Et en plus, il y a un chien, il y a un chien cosmonaute. Bah, il s'appelle Cosmo, qui a failli être le nom de ma chienne Cosmo, alors que je connaissais pas le personnage. Donc voilà. Et donc heureusement que pour moi. Non mais heureusement que je l'ai pas appelé comme ça parce que je serais passé pour un gros geek de merde. Ouais, voilà, que je suis mais j'essaye de pas faire que ça se voit pas normalement. Donc les gars, la galaxie qui dispo même en VOD. La trilogie mais et dispo en téléchargement illégal aussi. Voilà, là parce que sinon je crois que pour l'instant il est si, dispo en VOD. Tu peux l'acheter en... Oui, l'acheter, oui. Ah oui, l'acheter. Pour 15 putains de balles. Donc, tu peux pas le louer. Je ferai une chaîne de mail avec un WeTransfer. On mettra en lien de l'épisode. Je crois que tu peux le louer quand même. Bah, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, voilà. Et le 1 et 2 sont sur Disney+. Tout à fait, une très belle plateforme. D'autres films, pas mal. Tu rentres 2, le Tchoukoslovaque. Non, je suis serbe. Ah, pardon, excuse-moi. Serbe. Rien à voir, si t'écoutes l'accent, tu connais bien les accents, tu fais serbe. Oui. Bien sûr. Urbain, quelque chose que tu conseilles oui, aux gens récemment. Le podcast plutôt caustique. Bah bien que sûr. Je trouve extraordinaire. Oh, enfoiré. T'es un enfoiré là. Bah non, mais ce que t'as dit au début, c'est quand même là, il y a des podcastos. Voilà. C'est vrai. Je c'est tiens vrai. À dire si mes podcastos m'écoutent. Ouais. Il y en a quelques-uns qu'ils arrêtent de faire. Parce que, alors, je vais vous le dire pour la première fois parce que voilà. Ouais. Ils adorent, parce que mon podcast est plus petit que le vôtre, me dire, franchement... Faudrait que t'ailles dans le podcast. Non, c'est plus des connards. Ils pensent que ça me fait plaisir. En plus. Et franchement, c'est plus marrant que le podcast. À chaque fois, tout le temps. Bien sûr. Genre, les gars, ça n'a rien à voir. Et en plus, c'est même pas vrai. Ouais, mais t'as besoin de le dire. Bande de merde, vous connaissez pas qui, là. Vous êtes marrant, vous? Non. Personne ne vous connaît rien. Hein, vos gueules, en fait. Exactement. Mais en vrai, en fait, ce qui m'énerve, c'est que je dois. Bon, là, on a compris que je dois dégager une vibe de connard parce que. Oh, bah là, après ce que j'ai dit, c'est bon, t'es tranquille, là. Non, mais ça leur fait plaisir de me le dire. Alors, je tiens à dire, évidemment. Mais ça fait jamais plaisir, d'ailleurs. Non, mais en plus, on n'a pas besoin de rabaisser quelqu'un pour faire un compliment, quoi. Exactement. Non, mais c'est ça. Ouais. Exact. Ben voilà. je pouvais pas mieux le dire. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on nous fait à la fin de chaque comédie club, quoi. Oui. Quoi? C'est les gens qui viennent te voir à la fin des comédies. Ah, franchement, ça... vous étiez le plus drôle. Les autres, j'ai pas du tout aimé. Je vois, super. Ça, en plus, c'est pas un compliment merci. Du tout, quoi. Merci, c'est genre, Morgane. Merci, Morgane, de dire ça. Ils sont sûrs que c'est une compétition, que chaque plateau est un radio crochet. Ouais. Et pareil, quand c'est des potes, ils me disent oui, machin. Et, tout. Ouais. Et alors, ça, faire expliquer aussi à quelqu'un qui voit pas voir du stand-up souvent que, ok, il était. C'est facile, il faisait un nouveau sketch. Donc voilà, tu reviens dans 6 mois. Et c'est à cause que ça, justement, de cette petite compétition de merde qu'on a tous les soirs, que des fois on teste pas des nouveaux sketchs et on s'améliore pas. Mais et ne que mettez pas l'art en compétition, en règle générale. Oui, non, c'est pas fait pour ça. Petit coup de gueule. Gueule. Voilà. Même dans le doute. Voilà. Franchement, non, mais en vrai, pour beaucoup de gens, quoi. Ouais. Fermez bien vos grandes voilà. Ouais. Donc en vrai, bon. Votre avis, si on vous l'a pas demandé globalement. Après, on a un podcast de depuis 8 ans, on donne notre avis. Oui, les gens font le choix d'écouter ou pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc, moi, c'est pas j'ai bien un podcast qui s'appelle Plutôt Caustique. J'en ai même un autre. Ça va. C'est pas la question. Non, mais je voulais parler de Asinine Wasinine. Je ne sais pas comment on dit. C'est une rappeuse. D'accord. C'est A-S-I-N-I-N-E. Voilà. Et elle est pas très connue. Et c'est trop bien ce qu'elle fait. Elle, c'est une sorte de. Elle est méga triste. Vraiment, elle ne va pas bien du tout. C'est en américain. C'est une française. C'est une française. C'est une française. Il y a un petit côté, tout petit côté PNL, mais petit... après, en ce moment, en rap, ça fait 4-5 ans que j'ai lâché, donc je peux pas sortir des super rêves de voilà. Mais elle pas est. Pas besoin de comparer. C'est mélancolique. Elle est méga triste et elle sort des punchlines de tristesse qui sont incroyables. Donc j'aimerais qu'on l'écoute. Mais en même temps, pas trop, parce que si elle va mieux, ses chansons vont devenir nulles. Donc je veux pas non plus qu'elle aille super bien. Parce que là, sa tristesse, elle en fait vraiment quelque chose de très puissant. Et les instrus, par rapport à certains rappeurs français qui ont souvent 5 ans de retard, je trouve que c'est hyper bien. Voilà, elle commence à avoir son petit buzz. Je suis sûr qu'elle sera hyper connue dans 3 ans. Si ça et peut je serai un petit précurseur. Bien joué. Rassurer, le floodcast cartonne et je suis toujours aussi triste. Et j'en fais des blagues, il n'y a aucun problème. Donc ne t'inquiète pas. Même si elle a du succès, ça n'a pas impact. Ça n'a aucun impact. Puis même PNL, hein, encore un meilleur exemple. Morgane, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller? Sinon, je peux moi parler. Oui, ah, une oui, boulette mais de papier dans le mug. Non, j'ai raté. Je pense que vous en avez peut-être déjà sûrement mais parlé. Aucun mais, problème. La série The Bear sur Disney+. Oh, mais merde, ça fait 3 fois! Oui. Ouais, ouais. En fait, j'avais peur que tout le monde le fasse. Et j'ai vu que 4 épisodes, mais c'est vrai qu'il faut bien l'avouer que mais c'est. Mais bien sûr, c'est non, mais en plus, je voulais en parler. Moi, je veux avoir ton point de vue. Alors, moi, j'ai trouvé ça super. C'est un mec, bon, allez voir le pitch, qui reprend le restaurant de son frère décédé. En plus, il y a du décès, donc ça me parle de ouf. Ah, non, voilà. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, mais et je trouve ça cool sur le, c'est sur la restauration et sur le fait de s'accrocher et que c'est galère et ça romantise pas du tout le l'idée. Tu te dis pas à la fin, j'ai trop envie de vraiment resto. Ah, à aucun moment. À aucun moment, c'est vraiment chiant de bout en bout et faut nettoyer tout le temps et des trucs et réparer. Fou, et anxiogène et sa gueule tout le temps. Ouais. Et on m'avait dit ah, tu vas voir la 2, elle est moins bien et je l'ai trouvé ouf. Elle et il y a excusez-moi. Je peux casser ton grand-père. Non, mais rien. Il y a notamment un épisode spécial de Noël avec John Mulaney et Sarah Paulson qui est une espèce d'apothéose de tension anxiogène d'une heure 20 qui est franchement, c'est une masterpiece cet épisode spécial. Et moi, j'adore les épisodes spéciaux qu'on prenne le temps de faire ça les saisons parce que ça fait pas avancer. Enfin, là, ça fait un peu avancer, mais ça t'explique leur backstory, pourquoi ils sont. Et avec la mère, c'est Jamie Lee Curtis. L'épisode est fou. Ouais. C'est, voilà, regardez vraiment la saison 2, allez jusqu'au bout. Si vous avez pour cet épisode une famille, spécial. Pardon. Oui. Un tant soit peu dysfonctionnel, ça va vous parler. Si tout se passe bien, regardez ce que c'est. Ça va vous... Et moi, j'ai eu envie après d'appeler ma famille pour dire en fait, ça va. Ouais, on est bien. Ouais. Cool. Non, c'est vraiment une super série. Ça joue hyper bien. Il y a une BO de dingo. Ouais. Voilà, ouais. Donc je vous la recommande. Non, c'est vrai que. Tout le monde le fait et bon, j'en suis que à 4 épisodes mais c'est vraiment j'ai un peu lâché les séries aussi je suis devenu ça y est un peu un vieux con de je pense que l'âge d'or est passé et en 3 minutes j'ai compris que c'était une série trop bien on voit tout de suite que ah oui ça va. Il y aura encore quand même des trucs pour nous. Il y a combien d'épisodes ça? C'est 8 et ils sont pas longs, c'est du 25 30 quoi. Disney, ça Disney passe plus. Vite Disney Plus. Et il y a toujours une chanson à la fin que j'ai toujours mis dans ma playlist parce que c'est toujours trop bien. Moi j'avais ça avec Silicon Valley à une époque. Silicon Valley, toutes les chansons de Jean-Éric Defin, c'était du hip-hop pas méga connu. Et des fois, quand je suis en shuffle sur Spotify, je fais ah putain, mais c'est où est-ce que. Souvent, où est-ce que j'ai entendu cette chanson? Et bah c'était dans Silicon Valley. Tu m'étonnes. Et un truc que j'aime bien aussi dans The Bear, c'est que si jamais. Enfin. l'aspect bouffe, c'est à la fois si t'aimes pas faire à bouffer, tu peux regarder et tout va bien, mais en même temps, si t'aimes bien faire à manger, il y a quand même. Ils prennent le temps de. Je sais pas comment dire, tu vois, c'est un peu central et dans le détail, ils expliquent comment faire un truc. C'est presque. Il y a presque des enjeux vraiment sur le fait de faire à manger. Ouais. Et c'est cool, quoi. Il y a ça un côté. Ça donne pas, quand même. Ouais, voilà. Ouais, bah, c'est ouais, moi la, qui ai un problème. La réelle a repris. Ouais, la réelle a repris plein de phénomènes de mode d'ASMR. Parfois, ils te montrent la bouffe, oui. Une recette sur. Et le côté, tu sais, les tendances, les trends TikTok de rangement. Oui. De compartimentage, ouais, ouais. De couleurs et ouais. Tout, et t'as vraiment ça. C'est, et vrai. C'est un peu apaisant quand ça a passé 20 minutes à ouais, gueuler. À hurler. Visuellement, et moi, ça m'a donné envie de faire de la. Oula. Ça m'a donné envie de faire à bouffer aux gens pour leur dire que je les aime parce que oh. Bah voilà, c'est, je l'ai pas fait. Non, non seul, voilà. Tu l'as pas fait parce que tu cuisines très mal et le message passerait très mal et que j'ai personne et que je cuisine mal, donc bon voilà, voilà. Je conseille la série du coup aux gens c'est que j'aime. C'est pour dire que tu m'aimes. Ah mais c'est dégueulasse. Ton amour m'a fait gerber littéralement. Littéralement. Ça c'est voilà. Pareil, c'est mon bouquin. Est-ce que tu trouves pas ça quand même de ce que j'ai vu quand même un tout petit peu abusé qu'il soit 25 pour faire 3 sandwichs de merde au début. C'est quand même à côté, les ricains, ils peuvent vraiment quoi, se permettre de sous-payer les gens parce que en vrai, et j'ai parlé à des restaurateurs français, tout le monde te dit non mais 3 ça suffit. Mais bien en sûr, fait là ils sont en train de se foutre de notre gueule, ils sont 27. Il y a les desserts, il y a les desserts. Mais justement, qu'il y ait un gars pour faire des pâtisseries dans cette brasserie de merde, ça n'a aucun sens. On peut le dire. Ouais, surtout, ouais. Bah, on peut rêver. C'est ça les sinoches. Moi j'ai parlé, il y a un rintolaveur qui parle. C'est écrit sur clavier. Et toi, Florent ? Eh bien, moi, je vous conseille un film qui s'intitule Le procès Goldman. Ah, ah ouais ? Eh bien, c'est vachement bien. C'est alors, il faut savoir que moi, j'ai un petit. Bah, t'es fan de Jean-Jacques Goldman. Alors, c'est, il s'agit et de. Et de procès. Il est de la famille. Il est de la famille. Alors, bon, Jean-Jacques n'est pas dans le film. Quelle famille ? Oh là là. De Pierre Goldman. De c'est une blague. Ouh, aucun problème. Moi, faut savoir que j'adore les films de procès. Et attends, alors là, cette année. Attends, juste pardon. Goldman Sachs, c'est ça ou pas du non, tout non, pas du tout. Non, rien à voir. Ah, okay. Anatomie. Là, t'es à tes servis. Là, alors, Anatomie d'une chute. Saint-Omer, oui. Procès Goldman. Là, on me sert du film du de procès. Cobu qui arrive. Le procès du Cobu. Le procès du Cobu. Bah, il a triché au bac. Bah, c'est plus grave. Harcèlement scolaire. Ouais, c'est grave. C'est très sombre. Non, c'est les assises. J'adore les ambiances d'avocats qui défendent des gens et tout. Je pars au cinéma. Hein. Pas, oui. Pas forcément dans la vie, mais voilà. Bah, tu peux aller voir des procès dans la vraie vie. Oui, non, mais ça, en vrai, il paraît que c'est fou des fois. Ouais, mais moi, ça pour le coup, d'un coup, j'aime pas. C'est trop réel. Tu vas pas voir un procès de meurtre. Tu vas voir un procès. Non, mais à la fois un truc pour des amis. Là, en l'occurrence, c'est le procès de effectivement Pierre Goldman qui est quelqu'un qui a braqué voilà c'est quelqu'un d'extrême gauche hein, qui est même voilà qui est allé dans des stages commando à l'époque puisque ça se passe dans les années 70 et il est accusé d'avoir tué 2 pharmaciennes et lui il dit j'ai fait des braquages, j'ai fait machin, j'avoue tout ça, je l'ai pas fait. Et en fait il a déjà été jugé une première fois, t'as vraiment un carton qui dit en fait il a été jugé coupable, il en appelle et lui il dit, et c'est dès le début du film, il te dit je n'appellerai pas de témoins ou de gens machin puisque moi je suis innocent parce que je suis innocent et je vais pas vous ramener genre ma prof de CM2 pour dire que j'ai toujours été un élève gentil pour vous prouver que je suis innocent. Trop bien. Voilà et donc ça c'est le parti pris et son avocat et c'est une grande gueule, c'est un militant d'extrême gauche et donc à un moment il y a un flic qui vient témoigner contre lui, il fait oui mais toi la police est raciste etc, c'est vraiment quelqu'un j'ai vu il cède pas quoi. Voilà il ne cède pas et c'est super bien. C'est vraiment, les acteurs sont incroyables. Alors, tout le monde parle de Arthur Harari, qui est en l'occurrence aussi le co-scénariste d'Anatomie d'une chute, qui est le mec qui avait fait un film qui a eu un César que je n'ai pas vu, qui s'appelle Onoda, je crois. Oui, Onoda, c'est ça. Akira. Akira. Ouais. Et là, effectivement, il joue l'avocat et c'est un très bon acteur, mais le mec qui fait Pierre Goldman, à savoir Harry Worthalter, est très bon aussi. Mais tout le monde est vachement bien. Tout le monde est vachement bien. Le juge est super. Le juge était très surpris parce que c'est un des mecs qui joue dans 4 garçons pleins d'avenir et ça m'a fait plaisir de le revoir. Lequel il s'appelle Stéphane Guérin-Tillier. Celui qui avait les cheveux longs ? C'est celui qui. Non, celui qui avait. Ah non, celui qui fait Tanguy. Je sais plus son blaze. C'est celui là. C'est celui le deuxième en partant de la gauche sur l'affiche. Ah bah j'ai cité les 3 autres. Voilà, c'est ça, c'est lui, exactement. Et il est trop fort dans le film. Il joue vraiment un juge. Parce que tu vois, dans Anatomie d'une chute, tu le sens un peu plus à charge. Lui, tu sens que c'est le juge vraiment qui. Mais tout à plat, quoi. Bon, bref, j'adore ce perso dans le film. Okay. Et c'est vraiment bien. C'est Cédric Kahn qui l'a réalisé. Au cinéma, donc. C'est au cinéma et c'est vraiment. c'est y a de la tension, mais en même temps c'est des fois il y a des moments un peu drôles parce que Pierre Coleman, il lance des punchlines tout comme ça. Vraiment regarde, je proposais pas à toi. On va aller le voir, amour. Non, parce que j'ai dit on va aller le voir, non, il m'a fusillé du regard. Non, je dis ça en général. Je te regarde quand tu parles, excuse-moi. On va y aller chaud. Ah mais nous on a beaucoup aimé de toute façon. Non mais punaise de lit, c'est terminé pour moi malheureusement. Ah ouais, vraiment. Il y a eu deux pauvres silences. Je sais pas. Non, tout va bien. J'exagère, de toute façon, j'y allais pas avant les punaises de lit donc. Ma meuf du coup, vu que elle est terrorisée de qu'on en ait heureux des punaises de lit. Oui. Quand j'ai su que c'était dans les UGC, je lui ai pas dit parce qu'elle est américaine, elle voit pas les news. Et là, c'est tellement monté haut cette histoire que le monde entier se fout de notre gueule. Jimmy Fallon fait des sketchs sur les punaises de lit. Ouais. Des sketchs très modernes d'ailleurs, où il a du vin et du pain. Trop nul. La chanson est nulle. C'était très nul. Ouais. Mais c'était genre en traîne sur BBC et tout. Ouais. Et donc, parce que c'est la Fashion Week, c'est ça aussi. C'est quand même. J'irai plus jamais au ciné, quoi. Mais j'ai essayé de lui cacher cette news de Goodbye Lenin, quoi, de lui cacher la phrase, quoi. Et elle l'a fait. C'est monté trop. Toi, t'es allé au cinéma, Marianne, parce que t'as dit dans une chronique en 4DX, t'es allé voir quoi? Je suis allé voir. Du Cobu, justement. En 4DX. Sur l'intelligence artificielle. C'est pas si mal. Ah, The Creator. The Creator. Et c'était bien? T'as pas adoré? Bon, c'était divertissant. Attends, c'est quoi ce film? C'est The Creator du mec qui a fait Rogue One. Et il a fait un film. Et en gros, c'est un peu un événement parce que c'est un gros film de SF blockbuster. Mais qui est pas une franchise, c'est vraiment un film original. Tu j'ai vois. Vu ça sur. Il y a un an, j'ai vu un film avec Kadmerad. Kadhafi? Non, Adam Driver. Adam Driver, moi c'est le grand beau gosse. Voilà. Ça aussi, tout le monde disait. Et du coup, je me suis dit, bah oui, allez, un bon film. En plus, il durait pas 2h30, 1h, et c'était nul. Ah oui, écoute, dans le temps, avec des dinosaures. On est les premiers à dire pas les franchises, mais bon. Et toi, t'as pas aimé The Creator? Si, c'était divertissant, j'ai passé un bon moment. Et la 4DX, c'était ta première fois? Ouais, c'était pas fou. C'est difficile, la 4DX. Attendez, c'était pas dingue. Est-ce que, parce que moi, je vais pas au cinéma, je sais pas ce que c'est la 4DX. Vas-y. Non, vas-y, dis-moi. C'est un peu maman, j'ai rétréci le public, quoi, tu vois, t'as les sièges qui bougent, ça vibre quand il y a des scènes de bagarre, il y a du vent. C'est ça, c'est ça. Non. Et est-ce qu'il y a arrêtez ça. Ça te crache de l'eau quand il pleut. Non. Et à un moment, quand il y a tout. Des bagarres, il y a un truc qui s'enfonce dans ton dos. Ça, c'est horrible. Coup de poing dans le dos, t'es là quoi? Non. Et est-ce qu'il y a toujours ce truc un peu nul où quand il y a de la brume dans l'écran, il y a de la vieille fumée qui sort de sous l'écran? Ça, c'est vrai, c'est vraiment les années 50. Ça me rend dingue. Eh oui, mais cinéma, c'est la référence. Non, mais n'importe quoi. Mais t'énerve pas. Mais ça m'énerve. Mais des fois c'est bien fait. Ready Player One, c'est nul. Bah Ready Player One, c'était bien fait. Après t'as des trous du cul quand il y a un film qui sort sur les plateformes qui te disent. On était énervés dans cet épisode. Hein, faut le voir en salle. Faut le voir en salle. Maintenant on va te dire non mais faut le voir à 4DX. Non, que non je crois que ça prend pas. Je crois c'est ça qui est marrant. Non mais c'est ça qui est marrant, ça prend pas. Non, mais je savais que si je m'énervais un petit peu dans cet épisode, il allait encore plus s'énerver. Non, faut pas. Non, mais dans la 4DX, c'est un truc que j'adore. Mais c'est tout petit et donc ça ne. Si, tu vas voir. C'est par exemple quand il y a un plan en plongée, un truc grue, ton siège. Tu vois, se penche un peu ça, et là c'est pas et là t'as aller au futuroscope mais non parce que c'est à Poitiers. Non mais le cinéma c'est quand même le principe c'est la contrainte mais le procès Goldman c'est en 4DX aussi hein, pouvez aller le voir. Non mais le but c'est quand même de te faire ressentir des trucs sans tous ces effets à la con. Oui j'entends ce que vous dites, j'entends ce que vous dites, mais bon l'Occident a pas dérapé hier les gars, ça va, enfin on le sait, je veux dire on peut s'énerver, on peut être là quand même, faire barrière. Je suis Gandalf. Écoutez, fermez tous les. Non, mais attends, parce qu'il y a des gens de Lucinoche qui nous écoutent là, et peut-être des gens qui ont des salles. Fermez toutes les salles en cas. Arrêtez. Mais fermez-les tout de suite. Vous mettez des coups d'épée dans l'eau. Il y a des punaises de lit dans vos trucs. C'est sûr. Vu que vous foutez de la flotte et tout. Ça doit être immonde. Si vous aimez ça, la 4DX, vous prenez du sperme de punaise de lit. C'est sûr que tu t'en prends dans leur flotte dégueulasse qui te jette à la gueule là. Elle vient d'où? C'est du sperme de punaise de lit. La meilleure théorie du complot. J'avais lu en gros les salles qui baissent machin, c'est plus les salles sont chères et machin, ça cartonne en fait. Parce que justement les gens se disent vous posez la question. Oui, maintenant il y a des lits sur l'eau, ça va. Parce que le but du cinéma c'est de vendre du popcorn. Je fais pas la pub pour le saucisson. on paye déjà 12 balles. Ouais. Donc en fait, payer 25 mais pour une expérience de fou, c'est en train de vraiment. Mais qui est de fou? Attends, c'est 25 balles? Qui est de fou? C'est juste être assis sur un vibromasseur. J'ai payé 21,50€. Il va exploser. J'ai payé 25 balles en Suisse. Non, ne casse pas ton mug. Ne casse pas ton mug. C'est le tien. J'ai payé 25€. J'ai failli péter un câble. J'étais à la gare de Genève. J'avais 2 heures. Tu l'as mérité. Je vais voir Barbie. J'étais content de le voir. je prends mon billet et il me dit 25. Ouais. Et là, je mais c'était en Suisse. Attends, mais c'est en 4DX ? Non, en Suisse, juste en Suisse. Je me retourne vers les gens, je me retourne vers lui et je dis, mais pardon, mais. Vous êtes folie, vous êtes des malades dans votre pays. Je suis seul, je suis seul. Et je commence à prendre tous les Suisses à partir. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Non, mais là, on est riche. Non, mais ça, faut le savoir. Alors là, j'ai pas beaucoup de combats, mais faut le dire. Le cinéma en France est un des moins chers de France. On entend souvent les Français se plaindre. Des moins chers de France, t'as dit. Du monde, oui, ça n'a aucun sens. C'est tout ce que je dis. Que les gens se plaignent beaucoup du prix du billet, mais aller dans plein de pays. Ouais, c'est cher, c'est parce qu'on se plaint que ça monte pas. Mais non, mais parce que voilà, c'est en France, le cinéma est vraiment pas cher et il y a plein d'alternatives comme. Et ça, c'est dans pirater. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Comme voilà, les cartes illimitées, même des fois les. Mais les cartes, c'est nous, les Parisiens. Non, pas que. Moi, par exemple, en Bourgogne, tu peux prendre des cartes de 10 entrées de cinéma si tu vas que 10 entrées et d'un coup, ça te revient beaucoup moins cher. Mais elles sont scandaleuses, ces cartes. Il faut UGC partout, quoi. Il faut la carte illimitée. Moi, j'ai Pâté Gaumont. Ouais, comment ? J'ai une carte Pâté. Ouais, moi aussi, j'ai la carte Pâté. Non, mais la carte illimitée, pourquoi c'est que Paris ? C'est scandaleux, ça. Mais est-ce que c'est vraiment que Paris ? À Clermont, il n'y a pas Paris. Oui, mais tu as la carte. Ouais, mais c'est Clermont. Mais c'est déjà. Je rigole. Ça bien parler. Vous avez vu Vulcania. On peut faire un petit métrique clair. Non, mais Vulcania, t'auras des sièges. Mais parce que je pense qu'à Paris, il y a beaucoup de salles aussi. Il y a beaucoup de salles, donc beaucoup de séances. Tu vois, le prochain Goldman, je sais pas s'il passe dans toutes les cinémas de France. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ok, je savais pas. Mais il est en 4DX hein, quand le juge tape sur son MyBrayer, ça vibre, tout c'est génial. Fermez ces salles. Fermez ça là. Un petit coup dans le cul, mon gars. Un film UGC. Ça peut je disais, vous faites jamais les recommandations à l'inverse. N'allez surtout pas voir cette merde. Non, on est bienveillant en fait. Excuse-nous, hein, comme tu peux le voir dans cette émission. Ça s'appelle Adrien Méniel. Est-ce que le concept que tu proposes. Je trouve que c'est fou. Ça aiderait les gens. Mais non, mais on peut donner son avis. Le goût est subjectif. Et puis pour le coup, le 9/10 des podcasts culturel chie sur des trucs et voilà, moi j'aime bien qu'on fasse pas ça. Ouais, après on chie et sur énormément pendant de l'émission, mais c'est plus au, comme ça au débeauté quoi. Oui, ouais. On parle d'un truc, ah oui, c'est de la merde. Alors, question suivante, c'est plus ça. On va pas s'éterniser à argumenter. On va pas faire une. Mais la 4DX par contre, ça c'est. Voilà. En 2024, on en veut plus. Moi j'ai adoré Ready Player One en 4DX. Mais ta gueule. J'entends ce que tu veux dire. Ta gueule. Mais moi j'ai adoré. Je trouvais que là pour le coup, je pense qu'il y a moyen de faire une bonne 4DX. Quand ils couraient là les personnages de jeux vidéo, t'avais du vent, t'étais content pour ce qu'on va. Mais par exemple, l'eau, tu décides quand on te l'envoie dans la gueule ou pas. Tu peux appuyer sur le bouton, il y a plus d'eau qui se bat. Bah moi je décide de pas foutre les pieds. Alors salle de beauf. Et moi je suis ici qui hein. Je commence à comprendre pourquoi il y a pas cette rubrique. Je comprends bien. C'est mon clown. Chacun fait ce qu'il veut, mais fermez ces. Bah vous faire foutre. Bon, en tout cas merci beaucoup. Ça c'est 1h43 qu'on parle. Morgane. Ouais. On te retrouve sur France Inter toujours. Oui, deux fois par mois. On te voit dans les comedy clubs en ce moment. Est-ce que tu prépares un nouveau spectacle? Tu testes des choses? Tu joues? Oui, je teste, je prépare. J'écris un nouveau spectacle, je sais pas quand ça sera. Ouais. Mais comedy club et sinon chronique, suivez-moi sur Instagram parce que cette commune n'en finit pas de stagner. Moi ça y est, j'ai arrêté de perdre des gens. Vraiment, n'hésitez pas. Et puis mais non, mais tu vois, quand je mets une photo de moi, ça démarre. Ah ouais. Putain, je te l'avais fait la même chose pour les chroniques, quoi, s'il vous plaît. Urbain, toi, pareil, tu as ton spectacle. Alors, toi, tu as ton spectacle, ceci dit. J'ai mon spectacle. Tous les jeudis au point virgule. Tous les jeudis au point virgule. Tous les jeudis au point virgule. Il y a quelques dates de tournée. Tout ceci est disponible sur urbainstandup.com. C'est ça. D'ailleurs, vu qu'on a parlé, mon prénom est un mot. Je ne peux pas m'appeler Urbain parce que c'est pris 1000 fois par. Donc je suis Urbain Stand-up partout. Ah et oui, du coup, t'as changé ton nom. Attends, Urbain Stand-up. Et que je j'arrive pas à trouver mieux. C'est Urbain officiel. Tout était nul. Donc voilà. Alors moi j'ai très nul. Moi j'ai Florent Bernard, mais le O est un zéro parce que je suis en 2004. Non. Parle de son site là. Ah oui. Ah non, tu parlais de mon non, site et tout. Ah. Justement, on avait fait le site Urbain. Et après on a dit Urbain Stand-up partout. Ouais, voilà, au moins c'est clair. Partout. Ouais. J'ai été très surpris. Pardon, mais j'ai découvert ça genre hier. Tu as toujours un blog que tu. J'ai un site internet. Un blog. FlorentBernard.com. Ce coquin là. Bah oui. Le mec a un blog. Tu l'as dit mais tous les jours. Non, pas tous les jours. Non, dès que t'as une actu. Un fou allié. Dès que t'as une actu. Hop là. Voilà. Non mais j'ai. Et vous savez quoi? Mais c'est pas une critique. J'ai adoré. Mais c'est fou. Mais c'est beau. Ça va revenir le blog. Et sachez, j'ai pris la décision. Overblog. C'est un overblog. Mais c'est quand même. Je paye. C'est quand même FlorentBernard.com. C'est incroyable. Mais sachez que quand mon film sortira et quand il aura vécu un peu. Les blogs vont exploser, non, croyez-moi. Je posterai, parce que j'ai tenu un journal pendant le tournage, et je me suis dit, je le posterai sur ce site. Ça, c'est mon blog. Voilà. Sur Instagram pour que des gens le voient. Et justement, non, voilà. Ça sera vraiment pour les geekos, ceux qui ont envie d'aller voir. Il veut relancer le blog. Je veux relancer le blog, tel que vrai, vous voyez. Le Tumblr. Il y a zéro moquerie. Mais Tumblr, j'adorais à une époque. Ouais, c'était trop bien. Donc. Urban Stand-Up, pardon. Et Plutôt Caustique est sorti de scène partout. C'est des podcasts. Alors, voilà. Oui, tu sais que tu as des podcasts, j'en ai pas parlé, je voulais en parler à la fin. Plutôt Caustique, t'as aussi un podcast avec Dedo, on parlait de Dedo. Ça s'appelait, le nom était stupide en anglais, genre c'est Fucked Up Movies. D'accord, ah, dire, vous parlez de films un peu chelous. Movies un peu barrés. Ouais, c'est ça. Et puis, donc on prend un film que personne, qu'il y a des gens qui aiment bien voir comme moi et Dedo, mais ouais, la plupart des gens non, genre ouais, Human Centipede ou Cannibal Holocaust. Ouais. Et on l'explique en entier en fait. C'est bien. C'est 2 heures de perdu, mais qu'avec deux. Oui, et, oui, c'est ça. Et sur un film vraiment hardcore. Très bien. Et souvent les gens disent. Ah ben j'avais pas envie de le voir, mais quand vous dites des conneries, c'est mieux. Parce qu'il y a plein de gens qui sont très sensibles là-dessus. Bien sûr, bien c'est vrai sûr. Que Cannibal Holocaust, personne n'a envie de le voir. Je vous confirme, je l'ai vu, je voulais pas le voir. Voilà. C'est vraiment dégueulasse. Et donc oui, donc tous les jeudis, tu es aussi au Spotlight. Le Spotlight, j'arrête pas de mettre DS. Le 10 et 11, tu es au Luxembourg, dis donc, le 4 novembre. Ouais. Le 10 et 11 novembre à Lille, le 17 à Toulon et le 19 décembre à Lagny-sur-Marne. Et ça m'a fait plaisir de revoir la ville de Lagny-sur-Marne, parce que moi, quand je vivais à Val-d'Europe, j'étais à côté de Lagny-sur-Marne. Je ne sais pas où c'est. Je ne savais pas que je faisais cette date. C'est en Seine-et-Marne. C'est en Seine-et-Marne le 19 décembre. Et ben j'y serai, apparemment. Et voilà. Et qui est le jour de la Saint-Urbain. C'est à côté de Magny-le-Hongre également, où j'avais vu Suicide Doll pendant 6. Voilà, non mais donne des petites rivières sur moi pour mon wiki. Je tiens à te dire que c'est trop proche de Noël, je sais pas où c'est. Il est possible que j'annule cette date. que ça soit très clair. Donc prenez pas vos billets tout de suite. Vraiment, ne les prenez pas. Adrien. Toujours. Alors, sur Killer Coaster, sur Amazon. Killer Coaster, voilà, comme je disais, hein, laissez tourner en arrière. Même si vous voulez pas regarder, laissez tourner en arrière-plan très bien, pour qu'il y ait une saison 2. Disney Plus aussi, ça me rendra bien service. Toujours, et oui, elle affiche Antigone et la relève sur Disney Plus. Également, la Bonne Auberge, on a lancé le financement participatif pour la saison 4. Ça démarre lourd, parce qu'on a déjà, en un peu plus de 24 heures, atteint le premier palier. Super. Mais voilà, il faut que ça stagne. Vous en voulez toujours plus. Non, mais en plus, surtout qu'ils ont fait le choix de faire une durée très courte. Genre, ça dure 13 jours exactement. D'accord. Donc, voilà, je allez-y, donnez. Donnez si vous pouvez, évidemment. Si vous ne pouvez pas, vous êtes mort à mes yeux. Sachez-le. Je plaisante, bien sûr. Non, voilà. Donnez à la hauteur de ce que vous avez. Combien? De toute façon, c'est minimum 30 euros. C'est pas moi qui ai choisi. Donc, m'envoyez pas des DM. Il y a des beaucoup. Gens pour qui 30 euros, c'est beaucoup. Ouais. Je n'ai pas choisi. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, voilà. Ah ouais, je confirme. Mais je vais les donner. S'il te plaît. Non, mais tiens, tu vas les voler et les donner. Ouais, voilà. Et les piquer une vieille dans la rue. Je vais revendre mes peignoirs et pour te donne en cash maintenant. Non, et aussi je suis. Il y a la série En Terrasse qui sort. Qui ah, t'es dedans. Alors. Mais je savais même pas. Regardez-le celui-là. Je suis dans le teaser. Si t'as regardé le teaser, on me voit rapidement. On me voit rapidement, ce qui est à peu près la moitié de ma présence totale dans la série. Mais mais voilà, c'est une première série pour beaucoup de gens, pour à peu près tout le monde. Donc c'est super d'encourager ça. Ça parle de quoi, ça parle de jeunes. Mais je dis jeune parce que j'ai une petite anecdote après à raconter sur le truc. Mais qui en gros, ils parlent en terrasse et c'est un peu. Oh, c'est Friends un peu. Non, je l'ai pas vu. Il s'est pas vendu, je crois. Je l'ai pas vu. Non, mais. Mais il y a qui dedans? C'est un peu sur leur vie, sur ce qui. En gros, ils parlent en terrasse. C'est bloqué avec des jeunes, quoi. Ils parlent en terrasse et après, c'est l'occasion de voir ce qui s'est passé, leur vie, leurs trucs, leurs amours. Bien sûr. Les amis, mes amours, mes amis. Je l'avoue. Et. C'est quel âge des jeunes? C'est la vingtaine, quoi. D'accord. Okay. Parce que je suis. Non, alors pourquoi je dis ça? C'est très bizarre, moi, question. Quel âge? Trop vieux. Et donc, je dis ça parce que on m'a un jour, il y a quelques temps, là, je reçois un mail qui dit: ouais, j'écris sur une série qui s'appelle En Terrasse et tout. Et il y a un rôle, franchement, on l'a écrit, on a trop pensé à toi. C'est bien pire. Ce rôle, on a pensé, on aimerait trop que ce soit toi. Je dis: bah, ok, et tout. Je regarde, le personnage s'appelle Le Vieux. Pas de prénom, oh surtout pas Le Vieux. Bon, après je lis, je fais oui, ok, c'est une série pour les jeunes. Je comprends que moi, à mon âge, des jeunes m'appelleraient Le Vieux, tu vois. Si je débarque dans cet univers, je suis Le Vieux. Ouais. Normal, non mais j'essaie de me rassurer. Donc je me dis oui, donc il est vieux, mais bon. Il est cool. Un peu cool le mec, non? Parce qu'il est une. Bon, je vais il pas spoiler. Il a une casquette sur le côté. Il est dans le rap. J'arrive sur le tournage, voilà ton costume. Vêtements d'une personne de 80 ans. Je peux pas vous dire mieux. Un gilet, je fais, mais vous savez que les gens de mon âge ne s'habillent pas comme ça, quoi. Ouais, mais c'est marrant. Il y a écrit Le Vieux. Après la série, super. Non, mais Voilà, donc je joue un vieux, un mec de un quadra, mais vraiment très ringard. Ouais, c'est ça. Apparemment. Mais tu sais le faire. Il y a eu une petite surprise, voilà. Quand j'ai vu mon costume, j'ai fait ah oui, donc le vieux. C'est le vieux, quoi. C'est le vieux. Très vieux, ouais. Ah ouais, c'est vous avez pensé à moi en premier. Il y a pas Jean Rochefort. Non, c'était... D'accord. Et non, donc voilà, c'est. Je plaisante là-dessus, mais super. Allez voir, allez regarder. Sur Amazon Prime. Streamer fort, Prime fort. Non, mais c'est des. Ils font ça avec beaucoup d'énergie. Là, je parle comme un vieux, justement. Ouais. Mais une première série. Des peps. Il y a des peps. Beaucoup de peps. Non, mais beaucoup, c'est super ce qu'ils avaient fait avec leur des caméra. Petits jeunes sans ça, c'est avec plein d'idées. Ah, c'est pas des IA qui créent ça. Ça, hein, voilà. Ça faut de l'humain, ça. Hein. C'est ouais. Comme des TikTok. D'après ce que j'ai compris, c'est comme des TikTok, quoi. Toc toc, j'appelle moi. Non, mais ça, c'est pas. Non, il faudrait le fonder dans sa poêle et tout. Non, mais trop bizarre. Non, mais voilà, allez regarder. C'est... Pourquoi j'ai Facebook et tout, mais toc toc, je l'avais jamais entendu, quoi. Il est évident pourtant. Toc toc, ouais. Il est évident. Facebook, c'est terrible. Instagram. C'était, ouais, mais ceux-là, tu vois, c'était ouais. Évident. Mais t'as toc toc, il était sous mon pif. Et quant à moi, alors, j'ai toujours. Il y a Baptiste Le Caplain qui est en fait encore en tournée jusqu'à. Moi, je savais même pas. Jusqu'à fin décembre. Et son spectacle. Spectacle va être dispo sur Prime Vidéo, pareil fin octobre. Super. Voilà. Et allez-y. Attends, allez-y. Son spectacle il est dispo sur Prime Vidéo alors qu'il a pas fini la tournée. Si, mais il fait que quelques dates encore là. Il fait Aubervilliers, Meudon, Aix-les-Bains, Lyon. Mais c'est souvent. Hein, tu c'est sais souvent. Que c'est beaucoup. Ah ouais, ouais, ouais. Ça m'étonne aussi, mais il y a des gens. Ouais. Et voir, il y a des ouais. Comiques qui se retrouvent. Non mais qui se retrouvent dans la merde parce qu'effectivement les gens ont bien vu le spectacle, bah, ouais. Ils sont. Évidemment sûr que c'est pas pareil. Panayotis, oui, quoi, il devait faire l'opéra, son spectacle ouais. Était déjà sur Netflix, vrai, et ouais. Tu vois. Mais voilà, donc il y a quelques dates un peu right. Partout, et il finit avec la Bourse du Travail à Lyon, mais je crois que c'est complet. Et son spectacle sera sur Prime Vidéo fin octobre. Okay. J'ai plus la date exacte, je suis un gros nulos, mais je crois que c'est le 29 ou quelque chose comme ça. Allez-y pour Halloween. Rien à voir avec le spectacle. Rien à voir avec le spectacle. En revanche, en rapport un peu avec Halloween, il y a Vermine, le film d'horreur que j'ai coécrit, qui sort fin décembre au dernier Noël, le 27 décembre. Ça pour le un coup, je connais la date. Et critique. Et en fait, pour le moment, ouais. Pour le moment, il fait le tour et des festivals. C'est ouais, ça, c'est chouette. Ouais, on a eu le prix du public. Ça décroche des timbales. Bah ouais, on est super aux contents. Quatre coins du monde. Le prix du public au festival de Fantastique de Strasbourg et à Austin, effectivement, à Fantastique oh, Fest. Ouais, oui. Prix du meilleur film d'horreur et prix du meilleur réalisateur pour Sébastien Vanier. Premier, ah ouais. Premier ouais. Film, hein. Ouais, voilà, donc on est super contents. Du coup, on espère que les gens. Parce que voilà, le genre en France, c'est quelque chose qu'on répète beaucoup, mais c'est vrai que c'est encore petit. Et nous, en plus, on a vraiment envie de faire un film de genre fun et décomplexé, parce qu'il y a eu une mode de films d'ailleurs très bien, les films de Julia Ducournau, par exemple, ou les films comme Teddy ou La Nuée, qui sont effectivement des films de genre, mais un peu plus auteur, disons. Nous, on est vraiment un film. Fun et qui voilà, c'est un film de monstre, c'est un film d'araignée et on espère j'espère que les gens iront quoi parce que il y a le piraterai pas voilà, ah, voilà. C'est gentil, ah, ah, bah, ça fait plaisir. Non, mais ça, je tiens à dire parce que je vais passer moi, je bah si t'aimes bien ces films un peu déviants tu sais qu'il faut aller les voir en salle voilà, et voilà je n'ai bien. Jamais piraté un petit gars ni, bah, la, ni l'album des Enfoirés bah, ni voilà, je suis pas ça se fait pas voilà et voilà donc Vermine fin d'année et puis voilà Flotte. Moi j'aurais pas besoin de le pirater parce que vous allez m'inviter à une projo à un moment donné peut-être 31 octobre. On fait une petite avant-première. T'as pas un rôle qui, où tu joues la vieille non, merde dedans sûr, non, non, le connard non, non. T'as pas fait non, après... tu veux renouveler le roi, mais bon, ça c'est plus tard, ouais, le 10 avril. Voilà. 10 avril après, juste sans demander un rôle, être invité à une projo. T'inquiète. Voilà, non, je suis. Non, après, c'est pas comme si j'étais parti en vacances non plus avec le Real. Si, si. Littéralement. Bon, merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci énormément. À très très vite. Et la semaine prochaine, je vous raconterai peut-être ce que j'ai fait avec Louis Garrel et Chris Rock. Parce que c'est vrai que j'en ai même pas parlé. Je et Chris Rock. Et Chris Rock. J'ai croisé dans un parc Chris Rock et Louis Garrel et JR. Je vous raconterai la prochaine okay. fois. Oh, au revoir tout le monde. Il a tout raconté. Ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.